va poser un peu les jalons, on va dire. Alors, malgré l'histoire coloniale de ces territoires et départements qui sont, de fait, une extension de la France, notre pays a su donner une part de soi et reconnaître une part de l'autre au contact des différentes humanités qu'elle a pu rencontrer, notamment par l'assimilation à sa culture. Si l'on considère le peuple français comme un ensemble de peuples ayant des spécificités culturelles différentes, avec des visions régionales propres, mais assez proches pour en faire un même peuple indivisible, le tout soudé par un socle commun. Ne pourrait-on pas penser les DOM-TOM comme une extension des spécificités que la France a pu offrir par le passé à ses peuples, celtes que les Francs ont conquis et dont les différences étaient tout aussi notables? Jusqu'où la différence d'évolution de notre culture peut être un atout pour les Français? Quelle étendue peut avoir le socle commun pour ne pas qu'il n'y ait à renier sa nature profonde? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ce petit texte? Allô? Ouais, il est pas mal, hein. Ça pose un peu, effectivement, les jalons du débat, c'est-à-dire que les DOM-TOM sont partie intégrante du territoire français, administrativement, hein, après on parlera de toutes les implications, mais qu'est-ce qui fait en 2018 qu'ils peuvent se sentir français à la fois? Alors je trouve ça intéressant, le parallèle et que nous dit, nous ramène Amoros en disant, bah, il y a eu une construction, est-ce que la France est une construction politique, quoi qu'il arrive. Après, on en reviendra évidemment sur ce qui se définit comme français, mais la France, quoi qu'il arrive, est une construction politique. Donc, est-ce que cette prolongation, en fait, des DOM-TOM n'est-elle pas, elle aussi, une prolongation politique? C'est-à-dire que, voilà, on peut parfaitement dire que la culture française, elle peut s'exporter et s'assimiler. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, pour qu'on puisse poser le débat sur les DOM-TOM, qu'est-ce que c'est? Parce que ce sont donc des territoires ultramarins, outre-mer, donc on les différencie de la métropole, et ces territoires qui peuvent être situés très très loin, puisque la France est quasiment présente sur tous les continents avec ces DOM-TOM. Donc on a la Guyane française sur le continent sud-américain, avec une superficie, je rappelle, de presque 88 000 km². C'est rien que l'équivalent de la superficie du Portugal ou de 3 fois la Belgique. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, un peu de ce que ça représente quand même en territoire. D'ailleurs, à grâce aux DOM-TOM, la France est la deuxième zone économique maritime du monde, hein. Donc c'est pas rien non plus. Donc la deuxième, hein, du monde. Et donc on a des territoires, on a Saint-Pierre-et-Miquelon en face du Canada, on a les Antilles, hein, l'archipel, enfin la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, pardon, pas Sainte-Lucie, mais Saint-Martin, Saint-Barth, voilà, les petites îles aussi, les Saintes-Marie-Galante, la Désirade qui sont autour de la Guadeloupe, voilà, tout un tas de petites îles. On a évidemment l'île de Clipperton, je ne sais pas si certains aussi le savent. L'île de Clipperton, c'est dans l'océan Pacifique en face du Mexique. On a évidemment Mayotte, le cas de Mayotte, on l'évoquera ce soir, puisque Mayotte, c'est le dernier département français à avoir intégré justement un statut de département et non plus un statut de territoire d'outre-mer comme il l'avait avant. On a évidemment la Réunion, l'île de la Réunion, mais on a aussi d'autres îles dans le coin un peu moins connues. On verra l'île Tromelin. Alors il y a ce qu'on appelle l'Afrique australe française, donc avec les îles Kerguelen, l'île d'Amsterdam. Mais on a aussi des îles à l'entrée du canal de Mozambique. Donc c'est Bassa da Cunha. On ira regarder. Alors on fera beaucoup de fast-checking comme ça dans cette émission. Mais donc il y a toutes ces îles qui sont par là. Puis après, quand on va vers un peu plus loin encore dans l'Océanie, on va trouver la Nouvelle-Calédonie, on va trouver Wallis et Futuna et la Polynésie française. Voilà. D'ailleurs, il y a Édition Tatami qui est sur le chat. Lui, il est en Polynésie française. Voilà, bien loin, loin, loin, loin de Paris en tout cas. Et donc voilà. Donc vous voyez que ça fait quand même des sacrés petits bouts de territoire un petit peu disséminés partout. On dirait que c'est les poussières d'étoiles de ce qui reste de l'Empire français. Et aujourd'hui, donc, ces territoires sont, alors, ont des situations très différentes les uns des autres. confrontés à des problèmes très différents, mais très graves pour certains, comme la Guyane et Mayotte, soumis à une pression migratoire absolument débordante qui entraîne le territoire tout entier dans le chaos, quoi. Donc c'est le cas de Mayotte, c'est le cas de la Guyane, et ça commence aussi aux Antilles. Donc voilà, donc la France, bah, grâce à ses territoires, ça nous confère quand même une dimension internationale, de grande puissance. Peu de pays ont autant de points d'appui géostratégiques comme ça sur la planète. Et est-ce que ces territoires-là, alors maintenant, quel est leur rapport à la France? Qu'est-ce qui fait d'eux des Français? Comment ils peuvent se sentir français? Se sentent-ils français? Il y en a peut-être qui pensent qu'il faut leur donner l'indépendance, d'autres que... Voilà, bah, on peut évoquer tout ça. Et si, évidemment, il y a des gens qui sont issus de ces territoires sur le serveur, eh ben, vous êtes les bienvenus pour vous exprimer. Alors, on va faire d'habitude, bon, Alasso n'est pas encore là, donc on va faire une version simplifiée. En plus, on n'est pas trop, donc ça va. Bah, je vais commencer à faire à celui qui veut commencer à parler. On va dire, dans mon ordre, c'est bah, Amoros. Ah non, il y a Amorality. Amorality, en premier. Oui, Amorality. Bon. Micro coupé, je pose pas la question. Allez, Amoros alors. Amoros, qu'est-ce que tu veux nous dire? Après avoir fait ton petit texte en plus. Ouais, faut que je construise Ok, on passe au un suivant alors. Allez, citoyen Frenchy. Ouais, je pourrais dire quelques mots, mais j'ai Oui, pas c'est beaucoup de quelques mots questions là-dessus. d'intro hein, pour poser. On va donner la parole à tout le monde dans l'ordre et pour que chacun voilà, dise un petit mot. Ok, d'accord. Donc oui, moi en fait, j'ai pas beaucoup de connaissances sur les dom-toms, j'ai jamais été. Seulement, j'ai une impression, une intuition. Donc c'est mon ressenti par rapport aux informations que j'ai collectées et des choses que j'entends sur Discord en l'occurrence, qui m'ouvrent des fenêtres. Donc je suis d'accord sur le fait que quelque part la France a colonisé des pays avec des méthodes qui semblent donner quelque chose aux pays colonisés. Une langue, une éducation, des améliorations des conditions de vie qui étaient à la base bah, plutôt on les appelait plutôt comment dire avec un mot péjoratif inférieur et puis bon on a imposé notre style alors maintenant il plaît ou il plaît pas mais il semblerait que certains pays quand même colonisés ou qui soient des territoires d'outre-mer soit parfaitement comment dire qu'ils soient rentrés en extension avec la France et qu'ils veulent pas s'en dégager. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, on entend d'autres sons de cloche. Voilà. Moi, je trouve que c'est une grande ouverture culturelle sur les richesses tout simplement économiques et aussi des échanges culturels très intéressants qui peuvent que enrichir les gens. Voilà. Ok, alors Durandal? Non. Ah, si. Ah. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, par contre, ton micro paraît pas très bien réglé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça sature un peu. Tu dois C'est avoir une entrée un peu très très fort. forte. Le son est bon, mais on t'entend fortement, quoi. Ouais, alors fais ton Peut-être réglage passer à et puis quelqu'un d'autre. voilà, on va passer à quelqu'un d'autre. Bah, Fiche, tu veux dire quelque chose? C'est coupé, Fish. Il n'a pas mis son micro. Ah, d'accord, FTP non plus. Bon, ok, on passe à Jessica. Jessica Lasse alors. Jessica Lasse. Pour le coup, alors moi, les Antilles, j'en connais que peu. La Guadeloupe et la Martinique et les problèmes que ça peut poser entre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le chat, bah, entre Martiniquais et Guadeloupéens eux-mêmes, je sais qu'il y a déjà des soucis entre ceux qui vont vers la métropole et ceux qui restent dans les îles. Et justement, je suis curieuse de savoir, de leur point de vue, quels sont, qu'est-ce qui fait qu'ils sentent français et pourquoi il y a autant d'écart entre un Guadeloupéen qui reste en Guadeloupe et un Guadeloupéen qui va devenir métropolitain, par exemple. D'accord. Cam-cam. Bah, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi, à Tapin. Bah, moi, je connais pas trop les dom-toms. Bah, en fait, comme beaucoup de Français, finalement, je connais juste les belles plages, hein, les gens qui vont en vacances, hein, qui reviennent et qui disent c'est super, la vie est belle. Mais je sais qu'apparemment, il y a des. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes là-bas. Bon, c'est vrai que c'est très français, hein. Il y a des, voilà, comme je disais, des plages magnifiques, il fait chaud, hein. Voilà, les Français de la métropole adorent passer les vacances là-bas. On y chante la Marseillaise, mais apparemment il y a un problème avec la, comment dire, j'entends toujours que la plupart des postes à responsabilité, ben, ils sont occupés par des Blancs. Ça, je l'entends à chaque fois. Et aussi, je sais aussi, par contre, je crois qu'il y a une erreur, on dit plus Dom-Tom, je crois qu'on dit Drom-Com ou Drom-Tom, je crois. C'est depuis 82, ça a changé. On dit plus Dom-Tom, ça je le sais, ça. Voilà. C'est Drom-Com, oui. Voilà, Drom-Com, voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, même, je crois comme on dit aussi, j'ai entendu Dom-Rom. Je crois que c'est, je sais pas si c'est dû à l'Union européenne, mais je sais qu'il y a Drom-Com et Dom-Rom, voilà. Donc. Ok, c'est noté. Effectivement, les DROM, les départements ou régions d'outre-mer, regroupent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Voilà. Leurs particularités sont à la fois des départements et des régions d'outre-mer. Ils ont les mêmes statuts et départements que les régions que l'on trouve en France métropolitaine, à la différence que les deux structures sont superposées, le département et la région. Ainsi, il n'y a qu'un seul préfet, mais deux assemblées, le conseil général pour le côté département et le conseil régional pour le côté région. Voilà. Ok, bah c'est noté. Alors, mon cher Martin. Ouais, bonsoir. Moi, je connais pas des matchs. Enfin, je suis sorti avec une réunionnaise pendant 5 ans. J'en ai un peu chié, j'avoue, mais bon, c'était piquant. Et ce que je voudrais dire, que je sais, c'est qu'on a tendance à pas mal dire les autochtones. Mais la plupart de ces îles, il y avait personne. C'était des gens qu'on a ramenés de Centrafrique pendant le commerce triangulaire et en fait c'est des cultures qui se sont créées pour la plupart pas pour tout hein, je dis pas pour toutes les îles mais pour la plupart c'est des mélanges de cultures africaines qui se sont créées sur ces îles là et avec les Français qui sont restés un peu à part mais je sais qu'il y a une classification il y a quelqu'un qui disait que les postes à peu près de prestige a été réservé aux blancs. Il y a une classification. Je crois que c'est en Martinique. On appelle ça les béquets, par exemple. C'est les descendants de blancs mêlés à des Africains, esclaves, quoi. Et on appelle ça les béquets. Et eux, en fait, font la double partie quoi, ils s'arrangent avec les blancs et puis ils apaisent les tensions avec les noirs qui n'ont pas justement ces postes-là, qui n'arrivent pas à pouvoir ces postes-là, donc c'est un peu vicieux comme système ce que j'avais compris. Mais c'est vrai que ça serait à creuser quoi. Quelles îles a vraiment des autochtones lesquelles ont été vraiment prises d'assaut sans qu'il y ait rien et on est ramené du monde et les cultures se sont créées depuis pas si longtemps que ça finalement quoi. Bien qu'il y ait des vraies cultures quoi. Ok, on en reparlera, en particulier les béquets, parce que il y a eu un mélange, mais c'est plus compliqué que ça. On en reparlera. Ouais, ouais, ouais, excuse-moi, c'est un peu emmêlé les pinceaux, mais bon. Voilà. Alors, Mathieu, vas-y, Mathieu. Oui, bonsoir, Mathieu. On m'entend. Oui, on t'entend, Mathieu. Oui, bonsoir Tepa, bonsoir à toute la caserne. Donc, moi, sur le sujet, en fait, j'étais avant dans le salon, en fait. Soldats aspirants, donc j'ai pris un peu le débat en cours, je ne sais pas si la question a été posée, Donc moi, c'était de savoir en fait qu'est-ce qui fait que les personnes vivant en fait dans les DOM-TOM en fait se sentent français en fait. Quelle serait leur définition? Si on devait leur dire en fait si un étranger qu'un français, on va dire de souche, hein, pour simplifier, si un Américain lui disait qu'est-ce qui fait que t'es français, quelle définition il donnerait? Qui pourrait nous donner un peu une piste de savoir si on peut encore plus ou moins considérer ces îles comme étant en fait le peuple français, ou si on doit encore le catégoriser autrement à l'heure actuelle, quoi. Ok, Michael. Salut à tout le monde. Salut. Moi, les DOM-TOM, déjà en premier, j'ai été pendant un mois à Miquelon, donc Saint-Pierre et Miquelon, tout en haut là-bas à côté du Canada. Et sinon, à part ça, j'ai des collègues de travail qui sont réunionnais, en tout cas, ils vivent en métropole. Réunionnais, martiniquais, et puis j'ai eu des amis aussi guadeloupéens. Donc voilà. Après, c'est un sujet large parce qu'on peut aborder l'histoire de ces territoires, on peut aborder la population, on peut essayer de voir la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces territoires, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il ne faut pas les garder, etc. Enfin, c'est un sujet très intéressant et très large. Ok. Ensuite, alors Nadou, je ne sais pas si tu veux t'exprimer. Sinon, c'est Sabaoulé. Déjà, bonsoir à tous. Salut. Y en a qui me connaissent déjà. J'avais déjà dit que j'étais originaire de Guadeloupe, mais que j'y suis née, mais je vis en métropole depuis mes 2 ans. Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant d'aborder, c'est quand on regarde les DOM-TOM, c'est totalement différent entre Guadeloupe, Réunion, les Philippines, mais la Polynésie. Et pourquoi on retrouve, par exemple, plus d'indépendantistes en Guadeloupe et en Martinique, alors qu'on en retrouve quasiment pas en Réunion? Pourquoi il y a plus de racisme dans les Antilles que dans les autres DOM-TOM? Enfin, ce serait intéressant de se poser la question pourquoi ils n'ont pas tous évolué de la même manière sur leur rapport avec l'État français, quoi. Ok, on en parlera. Mon cher San, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je veux quand même dire quelque chose. Après, sur la question que tu posais, qu'est-ce qui fait de nous des Français, vu que moi je suis belge, pas commencer à me permettre d'y répondre à votre place. Après, moi, les DOM-TOM, j'y connais pas grand-chose. Je sais ce qui s'est passé il y a pas longtemps à Mayotte. J'ai pas mal suivi l'affaire, je connais quelques trucs. Et je sais que, par exemple, en Guyane, ils souffrent énormément de la politique, la folle politique migratoire du gouvernement français. Voilà, moi, ça s'arrête un peu là, quoi. Ok. On aurait pu me poser aussi les Belges, qu'est-ce qui fait d'eux des Français? Ça aurait pu. Prochaine émission, ça, si tu veux. Mais c'est intéressant parce que on pourra vous te demander si justement comment c'est vu aussi de l'extérieur ces DOM-TOM, parce que j'imagine que pour des autres pays européens ou même d'autres pays, ils se disent, c'est un ersatz de l'empire colonial, c'est la France qui continue d'entretenir un peu un côté colonial, certainement, parce que c'est beaucoup vu comme ça. Mais on en reparlera. Ouais, c'est sans doute comme ça que c'est vu, ouais. Alors ensuite, c'est Xariandre. Ah non, School, pardon. School. En plus, il est en Nouvelle-Calédonie, School. Tu nous entends? Allô, School. Bon, on va passer à Xariandre, alors. Et bonsoir. Salut. Merci pour l'invitation. Là, pour moi, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé entendre une personne d'origine de là-bas, des DOM-TOM, parce que moi, je suis français et apparemment, il n'y en a pas. Ah, j'ai mal entendu. Quoi. Donc, j'avais la même question en fait que Jessica. En fait, c'est en quoi ils se sentent français. J'aurais vraiment entendu, entendre comment dire, leur version. Comme ça, ça m'aurait peut-être permis d'alimenter, en fait, justement, de dire qu'est-ce qu'être français quand on est français, de mon point de vue, quand on considère, quand on fait une distinction entre nation charnelle et nation civique. Donc après, moi, je serais plutôt indépendantiste, donc pour leur donner leur indépendance, même si ça fait pas plaisir à l'armée française, hein, qui a des postes un peu partout. Puis, pour lancer des fusées et tout, que c'est en Guyane, il me semble. Sinon, pour moi, j'ai pas grand-chose à dire, j'écoute. Ok, c'est vrai qu'on aurait pu espérer un peu plus de gens issus des dom-toms. Si vous en entendez là sur le chat, allez-y, hein, les dom-toms, là, vous êtes nombreux en France, normalement. Alors, attends, il y a Citrix aussi, j'avais pas vu. Citrix, tu as quelque chose à dire, bon. Son micro est... son micro est out, ok. Je crois qu'il y a School qui est là. Ah, School, tu voulais ajouter. En plus, School, il est en Nouvelle-Calédonie, je précise. Allô, School. Non, bon, pas de School. Ah, peut-être Durandal, s'il a réglé son micro. Oui, Durandal. Oui, bonsoir. J'ai pas vraiment de questions, mais j'ai passé environ un mois à La Réunion. Et j'ai trouvé qu'ils développaient pas tellement leur territoire. Au niveau de la culture, par exemple, culture du sol. C'est l'impression que j'ai eue, alors je sais pas si quelqu'un peut me dire quelle en est la raison, si c'est une réalité ou pas. Bah, qu'est-ce que tu appellerais développer leur territoire? Parce que ce sont des territoires, justement, par définition, qui sont très liés à la France. D'ailleurs, je vais revenir encore un petit peu sur les définitions au début, comme ça, ça va bien poser. Tout à l'heure, on avait les définitions des DROM. La définition des COM. Les COM, donc ce sont les collectivités d'outre-mer qui regroupent la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les COM bénéficient d'un statut particulier et disposent d'une certaine autonomie. En effet, ce sont des entités distinctes de l'État français. Ainsi, les COM se sont vus reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences administratives. C'est-à-dire qu'une assemblée délibérante fixe les conditions d'application de la loi française. En cela, les COM bénéficient d'une plus grande autonomie que les DROM. Leurs liens avec la métropole sont aussi de moins en moins forts. Toutefois, leurs statuts sont assez hétérogènes. Par exemple, la Polynésie est la plus indépendante et possède son propre drapeau. Voilà. C'est étonnant de penser, par exemple, la Polynésie, je ne sais pas si vous savez, mais elle n'est même pas dans l'Union Européenne. Et ils ont leur propre monnaie, ils ont le franc pacifique. Ils n'ont pas, ils sont pas avec l'euro, par exemple. On peut considérer qu'en fait, il n'y a plus qu'un un intérêt stratégique militaire, en fait, pour la France. À conserver ses DOM. Oui, à conserver ça. Bah, c'est-à-dire que ça donne effectivement un intérêt stratégique. Bon, Xarland, il a évoqué effectivement le centre spatial guyanais et le lanceur de Kourou, qu'il faut savoir, est le lanceur le plus au sud. C'est-à-dire que... Ça a coupé. Ah, vous m'entendez? Moi, je t'entends. On a coupé le lanceur. Oui, voilà, le lanceur, en fait, de la fusée Ariane, qui se trouve à Kourou, donc en Guyane française, est hautement, évidemment, stratégique pour nos intérêts, sachant que c'est le lanceur, entre guillemets, le mieux situé du monde, puisqu'il est sur l'équateur. Donc, c'est un lanceur extrêmement bien placé. Et évidemment, on va se dire, voilà, ces territoires-là nous confèrent un énorme avantage géostratégique, une énorme zone maritime, donc... On peut pas dire que ça nous confère pas des intérêts. Est-ce que maintenant il est plus intéressant pour nous de brader en fait ces territoires en leur conférant une indépendance ou de les conserver? Est-ce que on a plus d'intérêt à les conserver ou moins d'intérêt à les conserver? Sachant que les populations sur place, on en parlera aussi du rapport avec la France puisque ils entretiennent tous quand même des historiques un peu différents. Bah, c'est un peu ça le problème parce que. Je pense que pour du point de vue, ça dépend des points de vue justement, c'est-à-dire de ceux qui s'y trouvent et de ceux qui s'y trouvent pas. Enfin, du point de vue de ceux qui se trouvent en fait dans l'Hexagone, je dirais que stratégiquement, on peut pas s'en passer. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une réalité économique, une réalité de positionnement, que lorsqu'on néglige ça, on devient faible sur le terrain. Comment dirais-je, stratégique, militaire, économique, financier, sur tous les terrains, on ne peut pas négliger ça. À un moment donné, il faut simplement essayer de recréer une cohésion. Je pense qu'il y a peut-être un truc à voir sur le fait que la perception, qu'est-ce qui a été perdu, quelles sont les relations qui mériterait d'être dont on parle un peu plus pour que on crève un peu l'abcès et que peut-être s'il y a eu à un moment donné dans ces relations une entente cordiale, bah, qu'on retrouve au moins cette entente cordiale pour tendre en fait vers une entente tout court. Alors sur il y a plusieurs réactions. Alors immédiatement il y a des gens qui sont plutôt contre, quelques-uns qui se posent pour l'indépendance des dom-toms, mais dans l'ensemble les gens pensent que ça nous affaiblirait. Ouais, ça nous affaiblirait concrètement. Il y a un moment, il y a une réalité. C'est ce que je pense moi personnellement. Il faut arrêter d'être utopiste et simplement voir les choses réelles dans le temps qui nous est apparti. Et si les choses doivent tendre vers du mieux dans une autre temporalité, il faut déjà commencer quelque part. Donc peut-être essayer de recréer quelque chose qui avait commencé. Et pour ça, faut s'extraire des a priori, faut remettre les choses à plat. Ouais, je pense que ça nous affaiblirait, certes, mais eux aussi, ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, parce que la nature a horreur du vide. Et là, il y aura une place à prendre, un marché. Et ils vont se servir en ressources naturelles. Ils seront récupérés par des pays plus puissants. À un moment donné, ils sont obligés de négocier. Ils sont obligés aussi eux-mêmes de se positionner. Et dans leur positionnement, bah, s'ils ont plus la France comme appui, comme force, et ben, ils négocieront à leur échelle. Et forcément vers le bas. Ils vont piéger. Et aussi stratégiquement, ça doit être compliqué pour eux. Et du coup, moi, vu que je suis un peu extérieur à ça, la question que je vous poserais, c'est du tout. Est-ce qu'ils sont attachés à la France Personnellement, moi, je crois qu'il faut parler des dom-toms. C'est difficile de généraliser comme ça et de les mettre tous dans le même sac parce que c'est des entités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quoi. Il y a des individualités très différentes, quoi. Par exemple, Saint-Pierre et Miquelon, ça n'a rien à voir avec la Guyane, quoi. Ok. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a des spécificités de dom-tom très différentes. Saint-Pierre et Miquelon, effectivement, rien à voir avec la Guyane ou avec les Antilles. C'est ce que je lis. On me dit, oui, par exemple, la France a créé la Réunion de toutes pièces. C'est le cas de quasiment tous les dom-toms, puisque c'était pas des pays en soi, ce sont des territoires. Alors, pour les Antilles, on sait qu'étaient peuplés de certaines communautés qu'on pourrait appeler primitives, indiennes, qui ont disparu à l'arrivée, évidemment, éradiquées par les premiers colons européens, puis ensuite les esclaves africains. Donc ces îles, elles ont été créées de toutes pièces, quoi. La Guyane, ça n'existait pas en soi, c'est un bout de territoire vide, en fait. Enfin, vide, il y avait des Indiens dans la forêt, mais bon, ils n'étaient pas très nombreux. Je peux dire un pote à moi qui est d'origine réunionnaise, et lui, il a vraiment tous les mix entre l'Inde, l'Afrique et le Caucase. Il m'a dit, nous, à La Réunion, déjà, on n'est pas pareil que l'île Maurice ou Madagascar, c'est-à-dire on est vraiment un truc particulier, tu vois, on est une île. Et ça n'a rien à voir, il m'a dit, avec les Tahitiens ou d'autres. Tu vois. C'est le problème, ils ont chaque île apparemment ses particularités. C'est ce que je vois là, je regarde un petit peu, j'ai vu que Saint-Barthe, on pratique l'exonération fiscale basée sur une loi, autant où l'île était suédoise. Ah bah, c'est une particularité, ouais, c'est notre petit paradis fiscal en fait. Et d'ailleurs, pour ajouter à ça, il me disait, mon ancien chanteur, qu'il venait du sud sauvage, alors je sais plus, c'est tout des villes en Saint quelque chose. Et il m'a dit, j'ai vu, et pourtant il est pas vieux, il doit avoir 27 ans maintenant, il a vu se racailliser littéralement l'île. C'est-à-dire que ça a fait la même merde qu'on a dans les métropoles, c'est-à-dire que c'était des clans contre des clans à un moment donné. Oui, parce qu'ils sont confrontés, ces territoires-là, à des gros problèmes de violence, en particulier en Guyane, aux Antilles, à Mayotte, La Réunion. Il y a certains endroits, effectivement, où il y a une grosse violence. À Mayotte, là, je viens de voir que alors 90% de la population est musulmane, et le préfet a nommé un cadi. Un cadi, apparemment, c'est un juge qui applique les lois musulmanes en cas de litige. C'est ce que je viens de voir. Bah, il est vrai que la France, elle a même reconnu, je sais, en Wallis et Futuna, on reconnaît la royauté. Donc, on reconnaît bien les rois, les Wallis et Futuna, mais pas le roi de France. Bon. On peut savoir aussi pour la Réunion, c'est le département, peut-être pas en 2017, mais je sais qu'en 2015 et 2016, c'est le premier département à toucher le RSA. C'est une personne sur quatre. En fait, c'est une espèce de grand cocktail, toutes ces îles, chacun fait un peu ce qu'il veut, voilà, avec ses particularités, comme je disais, la culturelle, historique, etc. Enfin, j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression que ça va exploser, en fait. C'est une cocotte minute, toutes ces îles. Bah, c'est-à-dire Mayotte, ouais. qu'ils ont pas de. Bah, c'est-à-dire que l'économie, elle est. Alors, il y a des différences et des disparités. Par exemple, aux Antilles, on sait très bien, c'est pour là, tout à l'heure, Martin, il parlait des béquets. Alors, la particularité de l'île, et en particulier de la Martinique, c'est qu'en fait, tous les grands commerces, les grandes enseignes, et ce qui va faire toute l'économie de l'île, en fait, est aux mains des béquets en Martinique. Donc, ça, évidemment, ça crée un espèce de comment dire de prolongement de la situation historique de l'île entre les propriétaires terriens blancs et les esclaves, puisque ils se retrouvent dans ce monde moderne avec on va dire les descendants de propriétaires devenus les nouveaux patrons et puis les esclaves devenus ouvriers quoi. C'est un peu ça qui se passe. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, si je peux me permettre, hein, de faire le parallèle avec l'Algérie, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont comment dire, ils vont un peu se rebelloner, ils vont essayer de récupérer enfin, leurs origines, Il y a clairement une névrose. Moi, je prends pas de C'est que vraiment, à La Réunion, mon pote, il m'a dit, on est un mix de plein de choses. Il m'a dit très clairement, ça se trouve, alors lui, en plus, son père, grosso modo, il a plein de demi-frères et de demi-sœurs. Il m'a dit, en nom de famille, il y a les oranges, les pailles, les tenements, etc. On est un truc à particulier. Je sais pas si j'ai pas baisé ma cousine en allant au pays, tu vois. C'est une petite île fermée, tu vois. Et à ça, on te rajoute le côté que tu es français, parce que voilà, c'est un homme, quoi. Mais voilà, sur ta gueule, moi je le voyais. Il s'appelait Alexandre d'ailleurs, je peux le dire. Il avait autant la gueule d'un Européen que d'un Asiatique que d'un Africain. Mais vraiment, c'était le mélange. Total. Justement, on parle de la Réunion, on me dit que ils ont beaucoup de problèmes maintenant avec les Comoriens qui viennent apparemment en masse à la Réunion et qui posent un problème, comme à Mayotte, où il faut rappeler que 40% de la population Et tout ce temps-là. Et sont des immigrés clandestins et qui viennent des Comores, donc qui est l'île juste à côté, à 70 km à peu près. Et vous savez, c'est un archipel en fait, les Comores, dont Mayotte est la seule île qui a souhaité, suite au référendum qu'ils avaient organisé dans les années 70, rester français. Et donc du coup, aujourd'hui, donc les Mahorais se retrouvent submergés par les autres Comoriens des autres îles qui, eux, ont voulu l'indépendance, mais indépendance qui ne leur a pas apporté un meilleur niveau de vie, il faut bien le dire. Ça m'étonne qu'ils aillent jusqu'en Réunion, à La Réunion, parce que c'est une île qui est bien plus loin des Comores. Hein. J'ai regardé un peu, mais ça Oh, mais m'étonne. tu sais, aujourd'hui, tu prends l'avion, il y a beaucoup de moyens de locomotion. Hein. Tout Parce à qu'il y a un fait, et en souci là-dessus, général, c'est les. que C'est le tout de la faut bien comprendre Calédonie. une chose, c'est que les Domtoms, enfin, les Drom, ils ont des lois identiques à la France. C'est-à-dire que, par exemple, la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni, qui se situe en face d'Albina sur le fleuve Maroni en Guyane, et la maternité de France, qui fait le plus grand nombre d'accouchements parce que toute l'Amérique du Sud déboule là-bas pour accoucher son enfant. Ouais, c'est pareil pour la Réunion et Mayotte, beaucoup de Malgaches. Et souvent, d'ailleurs, un de mes cousins s'était marié avec une Réunionnaise qui avait aussi des origines malgaches et maorais. Ils sont vachement proches et mélangés. Sinon, question vite fait, petite digression, par rapport donc à leur identité, qu'est-ce qu'on leur apprend à eux en histoire? Leur cours d'histoire, c'est pas nos ancêtres les Gaulois, j'imagine. Et donc chaque région, donc si on part du principe que on va parler de région, C'est qu'est-ce qu'on leur apprend? Alors moi, je pourrais commencer à te répondre, mais mon expérience ne sera pas tellement valable, puisque compte tenu de mon âge avancé, ce n'est plus les programmes en cours dans les écoles, j'imagine. Mais de mon temps, puisque j'ai vécu un peu dans les dom-tom, je peux te confirmer qu'il y avait une part d'histoire locale qui était enseignée, avec l'origine du territoire, l'histoire du territoire en lui-même, mais couplé avec, évidemment, avec le reste de l'histoire de France, comme en métropole. Donc ça te donnait une espèce de spécificité régionale pour comprendre la spécificité du territoire dans lequel t'es, mais ce n'était pas très invasif, ni très poussant, on va dire, à l'autonomie, ni très revanchard, finalement. Moi, dans mon cas, c'était l'histoire de la Guyane. On te parlait de l'expédition de Choiseul, on te parlait de l'implantation du bagne, enfin de tous les événements qu'on fait l'histoire du territoire de la Guyane, quoi. Mais ce n'était pas très très prosélyte. Il faudra avoir quelqu'un d'un peu plus jeune pour savoir ce qui est enseigné aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Eh ben, t'es pas. Enfin, je suis un tout petit peu plus jeune que toi et mon pote, du coup, d'avoir 5 ans de moins. Moi, j'ai bientôt 32 ans. Et il me disait déjà à l'époque. Il a 26-27 ans, ils enseignaient ça, ils enseignaient encore, on va dire, le patriotisme français, mais avec ce côté colonial et voilà, bizarre. Mais il a encore cette substance qui se dit français. Et apparemment, c'est en train de partir en couille, justement, à ce niveau-là, tellement ça se casse la gueule. Tu vois, c'est comme il y a de plus en plus de régionalisme en France, en fait. J'ai l'impression qu'on les laisse un peu tomber. J'ai l'impression que les dom-toms ne sont plus dans les projets, entre guillemets, de l'État français. On les gère de loin comme ça, bon, parce que nos intérêts, voilà, l'armée encore a des bases là-bas ou quoi, ça peut nous intéresser, mais tout le reste, j'ai l'impression qu'on les laisse complètement tomber. Ouais, c'est un peu mon point de vue de départ, en fait, sur ce que je disais sur le point de vue stratégique, mais de recréer, en fait, un lien. C'était de continuer, en fait, ce qui avait déjà été activé. Et je pense que oui, depuis trop longtemps, en fait, on a laissé tomber, en fait, cette aspiration à ce que naturellement ces endroits, en fait, les peuples de ces endroits, en fait, soient comment dirais-je, dans la même veine d'évolution que l'Hexagone, quoi. Mais justement, ça fait partie de l'histoire de France. C'est ça qui est la névrose des Français, quelles que soient leurs origines. C'est qu'on est dans la patrie du pays libre. C'est-à-dire qu'il y a son histoire et on nous rabâche à chaque fois dans la gueule, justement, ça, la colonisation. Alors que justement, c'est une force de la France, quoi qu'on en dise. Tu peux être racialiste, c'est la même chose. Le seul, comment dire, ciment commun de tout ça, c'est la nation. Terminé. Il n'y a que ça, et éventuellement la religion catholique. Mais sinon, c'est la nation. C'est pour ça que tu vois Tepa ou un Carteron et tout, bah eux, ils sont patriotes, alors que t'as des blancs de souche, et ben eux, ils te crachent à la gueule. Ça peut pas faire. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est justement, je pense que il y a un combat qui a été perdu au niveau de justement, ouais, de cette. De cette ferveur, en fait, déclarée, en fait, de se dire français, et pourquoi on aime le drapeau, pourquoi on aime ça. Alors, je dois bien dire que pour aller dans le sens d'harmonique sur la nation, on sait que en Guyane, à l'élection, par exemple, présidentielle, ils ont voté en masse Marine Le Pen. Ce qui reste pour le moins étonnant, et d'ailleurs beaucoup dans les dom-tom. Faut rappeler, c'est vrai, que au moins à la décharge du Front National, c'était un des rares partis quand même à évoquer les dom-tom dans son programme. Les autres, c'était complètement absent. Eux, ils en parlaient assez régulièrement. Mais les gens là-bas ont voté Marine Le Pen parce que ils demandent pas. D'ailleurs, c'est ça qui est assez significatif. Finalement, ils demandent pas moins de France, ils demandent plus de France, et ils demandent vraiment la France parce que ils se sentent abandonné, entre guillemets. C'est abandonné, ouais. Je pense qu'on aurait dû plus développer pour justement que ce soit autre chose que des simples pôles stratégiques, économiques ou voilà. Mais complètement dénué de l'intérêt direct qu'on aurait pu développer au travers. C'est quand même une force extraordinaire que la France a d'être. Je crois qu'on est le deuxième pays à avoir le plus d'espace maritime. C'est ça. C'est ça. Oui. Voilà. Samuel, tu voulais ajouter quelque chose depuis tout à l'heure, peut-être? Ouais, par rapport à ce que vous disiez, qu'ils se sentent un peu délaissés, moi j'ai envie d'ajouter qu'en fait, ils sont comme ce qu'on appelle la France périphérique, quoi. Ils ont pas de... Enfin, il y a que les grosses métropoles qui sont soutenues par l'État. Après, je connais pas super bien le dossier, mais je pense qu'ils subissent ce que les campagnes françaises subissent, en fait. D'ailleurs, ce qui fait le plus chier, tu parles de Corrèze, moi je suis de région Rhône-Alpes, là-bas, sans rien, c'est que la France a ses particularités géographiques, culturelles, et même au niveau spirituel, c'est qu'elle est le carrefour entre les Latins, les Méditerranéens et les Scandinaves. Tu vois ? Et ça a mis des milliers d'années à former un truc à peu près stable. Et aujourd'hui, en l'espace de quelques décennies, tu as beaucoup de migrants africains, asiatiques ou orientaux, et ça clash. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un profit au niveau de la France, c'est que c'est le pays de la liberté à la base. Seulement, c'est en train de devenir un dépotoir et il va falloir vraiment contrer ça. Est-ce que c'est pas aussi des petits exemples de la natalité aussi? Parce que quand on parle de métropole, est-ce que il y a vraiment des blancs encore là-bas? Parce que quand j'en entends parler, par exemple, de Guadeloupe ou tout ça, on entend tout le temps c'est les belles plages et compagnie, mais j'ai l'impression que c'est que les blancs d'un côté, puis de l'autre côté les descendants d'esclaves ou alors les sans-mêlés, quoi, on les appelle comme ça aussi, je crois, qui sont de l'autre côté et qui subissent, je sais pas, c'est... Alors, j'ai l'impression c'est que intéressant ce que tu dis, Martin, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, chaque dom-tom a son histoire. Alors, l'histoire des Antilles, hautement singulière, puisque l'histoire des Antilles est liée à l'histoire de l'esclavage. Donc, ce qu'en fait un territoire très, très à part, parce que tous les dom-toms ne sont pas liés à l'histoire de l'esclavage. En tout cas, les Antilles, elles, le sont, et sont fortement marquées, évidemment, par cet événement historique, dans les rapports sociaux, dans l'histoire même du pays. Donc, on se retrouve avec une population, comme tu dis, européenne, qui est descendant des premiers colons, donc qui va former les béquets, puis aussi des métropolitains qui viennent, beaucoup de fonctionnaires, etc., de personnel qui vient de France pour les entreprises, etc., donc ce qu'on appelle les métropolitains, d'ailleurs les métros, ils les appellent comme ça, et puis la population d'origine africaine, dont en plus, aux Antilles, s'établit avec le métissage européen, une espèce d'échelle de couleur, hein. Donc aux Antilles, évidemment, comme c'est une population métissée, on voit les quarterons, les octavons, etc. D'ailleurs, je pense que c'est par les Antilles que tous ces termes-là sont nés. Et donc, il y a un antagonisme et une relation, effectivement, très conflictuelle entre ces populations, évidemment, métropolitaines et les autochtones. Alors là, oui, on est au cœur du sujet. Comment on se sent français, effectivement? Je voulais dire aussi je voulais pousser un petit coup de gueule aussi, parce que quand c'est les Trente Glorieuses, bah, tous ces pays des dom-toms admirent la France, hein, voilà. Et dès que la France est en crise là depuis un peu plus de 20 ans, on voit des mouvements de contestation. C'est toujours la faute de la France et c'est toujours une chanson, quoi. C'est dommage, quoi. Ouais, pour le coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pour ce qui s'agit des dom-toms, le problème serait du coup plutôt économique que culturel, du coup. Oh, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, parce que pendant les Trente Glorieuses, il y avait pas trop. Alors, il me semble, hein, si on peut me dire si on peut me contredire, il n'y a pas de souci, mais il me semble qu'il n'y avait pas de problème. Ça se passait bien, tout le monde était content de la France. Enfin, je parle des Antilles, tout ça, depuis que la France est en crise depuis un peu plus de 20 ans, bah comme je dis, on voit souvent des mouvements de contestation, des plaintes. Voilà, et c'est toujours on dénonce la responsabilité de la France, à tort ou à raison, mais c'est un peu dommage, quoi. Voilà, un peu dommage. Ça, c'est parce qu'ils ont trop de temps à consacrer à ça. Il faut les faire travailler. Alors, en fait, il y a beaucoup de chômage quand même dans ces régions. Bah, en France, oui, on, aussi, pareil. Non, spécialement, non, les DROM. Mais c'est pareil, il y a moins d'activité économique. Pour revenir. Nécessairement, l'activité économique. Ah, je pense qu'il rentre dans le sujet allemand. Là. Pardon ? Ah, je t'écoute, je ne sais pas où tu parlais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage et que c'est vraiment le tourisme qui s'en met plein les fouilles. Et après, derrière, est-ce qu'il y a du boulot ? C'est ça, quoi, le taux de natalité derrière. Il faut regarder un peu. De parler de tous les DOM-TOM d'un coup, c'est un peu compliqué. Ben voilà, tu as un point d'identité. Je vais jeter un pavé dans la mare. Mais voilà, donc par exemple, en France, quand on a un couple de chômeurs, s'il y en a, s'il doit y en avoir, je ne pense pas qu'ils sont dans l'idée de faire des enfants. Qu'en est-il de eux ? Et donc aussi, pour revenir sur ces régions des DROM, les ethnies locales, parce qu'il y en a qui sont encore, donc en Guyane par exemple, j'ai fait un petit tour vite fait, il y a des ethnies qui sont issues donc du pays, enfin, de cette terre qui n'avait pas de nom avant et qu'on a appelé Guyane. Et donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi quelques conflits ethniques entre eux. Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'on en parle dans les médias ? Alors la Guyane, alors je connais très bien. Pour la Guyane, ouais. C'est très particulier, effectivement, parce que il y a les ethnies autochtones, donc qu'on appellera les indigènes, donc qui sont les descendants des Indiens, donc qui ressemblent beaucoup, voilà, qui sont des Indiens d'Amazonie. Donc eux, ces populations-là, elles vivent beaucoup dans le sud de la Guyane, parce qu'il faut savoir que la Guyane est coupée en deux par une ligne artificielle, une frontière, qui empêche d'ailleurs les habitants et même tout français, d'aller dans l'autre zone. Il faut l'autorisation de la préfecture. Parce que, justement, on veut éviter trop de rapports entre, on va dire, les Français occidentaux et ces Indiens pour qu'ils puissent conserver leur mode de vie. Ce qui est plutôt positif, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils sont extrêmement perturbés, ces Indiens, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent d'Amérique du Sud, du Brésil notamment, qui viennent s'installer dans la forêt pour piller des ressources, parce que la Guyane est riche en ressources, il y a de l'or, il y a du bois, on peut faire du braconnage, il y a tout un tas de choses, des pierres précieuses et compagnie. Donc ils s'installent, ils pillent dans les villages. Alors la France, comme je rappelle, la Guyane, c'est grand comme le Portugal. Alors pour gérer, t'as intérêt à voir, en plus c'est de la forêt amazonienne, alors c'est très difficile à pénétrer, c'est pas des voies de communication partout, etc. Donc c'est extrêmement compliqué, en plus, pour pouvoir maintenir un ordre, on va dire, dans ces territoires-là. Donc ça, c'est vrai que pour, pour ce qui est de la Guyane, il y a une vraie population autochtone. La population autochtone des Antilles, elle a été balayée. Donc elle a été remplacée par les descendants d'Européens et Africains, et beaucoup de métis, puisque évidemment il y a beaucoup de métissage aussi, avec en plus des Indiens, des Chinois, enfin il y a eu tout un tas de couches successives comme ça qui sont venues s'agglomérer. Donc c'est un gros melting pot. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est des îles blanches, c'est essentiellement des blancs. D'ailleurs, comme la particularité dans les Antilles de Saint-Barthélemy, qui elle aussi est une île majoritairement blanche, et non pas, il y a très peu de populations noires. La Réunion, c'est pareil, c'est un gros melting pot avec des Indiens, des Noirs, des Européens, des Asiatiques, tout ça c'est mélangé. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a les Kanaks, et pareil, il y a les fameux Caldoches qui sont... Alors, on parlera d'un équivalent un peu comme les Béquets en Martinique, c'est-à-dire des descendants d'Européens. Pour la plupart, beaucoup étaient des descendants de Bagnards, qui sont restés là-bas, parce que quand on était condamné au bagne, il faut savoir qu'on faisait sa peine, mais ensuite, on vous payait pas un billet de bateau pour le retour. Hein, donc, vous étiez condamné à rester, en fait, dans le pays. Donc, cette communauté-là, les Caldoches, eh ben, aussi ont pris... Alors, pareil, ils ont formé des fermes et tout en Nouvelle-Calédonie, ils avaient les meilleures terres, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au grand conflit dans les années 80. Et puis, il y a évidemment la Polynésie, sur laquelle aussi il y a une population autochtone, voilà, comme on l'a vu, très autonome. Et puis, il y a une communauté de métis aussi très puissante, évidemment, en Polynésie. Donc, des métis entre les Européens et les Polynésiens. Donc, à chaque fois, donc c'est des... c'est des versions un peu différentes selon les DOM de l'historique avec la population locale, quoi, entre les Français originels, on dira, et les Français en devenir. Oui, toute leur identité française, quoi qu'il se passe. Bah, ils sont complètement liés. En fait, si tu veux, la naissance même du territoire est liée à l'implantation de la France. Donc, il y a déjà un lien de fait. Ensuite, c'est des populations qui sont toutes francophones. Bon, il y a toujours un dialecte local, on sait, aux Antilles, il y a un créole, en Guyane, à La Réunion, etc. Mais c'est le français qui prévaut largement. Leurs habitudes culturelles sont profondément inspirées par la France, au point que d'ailleurs, voilà, la cuisine antillaise, pour moi, c'est un espèce de métissage entre, justement, cette cuisine française, et puis les épices d'Inde, et puis, on va dire, des plats africains, etc. Tout ça, c'est mélangé. Donc c'est le métissage par excellence, oui. C'est un peu la force de la France d'avoir aussi pris ce qu'il y avait de bon à prendre pour essayer de le scinder dans sa propre culture, sans pour autant se dénaturer lui-même. Voilà, on me dit par exemple, ce n'est pas aux Dom-Tom de prendre leur indépendance, mais à la France dans toute sa grandeur et sa diversité. Oui, et puis c'est clairement à la France de prendre ses responsabilités. S'il se réclame de ce territoire, eh ben, on doit s'en réclamer dans toutes ses facettes et toute sa responsabilité. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un problème à un moment, bah, faut régler le problème. La France l'a prouvé, je pense, dans son histoire. Quand ils veulent trouver les moyens de le faire, ils le font. Voilà. Bah, on peut commencer donc par tous psychologiquement comprendre et entendre quand on a des Henri de Lesquin qui nous parle de territoire qui n'est pas la France, mais qui est à la France. Déjà, peut-être à percuter psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'ensuite, par exemple, je vais replacer ça un peu sur de la nourriture. En France, donc on a une culture gastronomique, on a par exemple un pot-au-feu, et donc dans ces régions-là, ils ont aussi une façon de cuisiner qui est plus ou moins parfois, qui a un lien avec la façon de faire française, mais parfois pas du tout. Donc c'est la culture, c'est ça aussi, hein, la culture, l'identité, c'est ce qu'on mange, et comme la manière dont on cuisine. Ouais, j'ai mélangé plusieurs trucs en même temps, là, désolé. Non, enfin, non, t'as été clair. Mais c'est, enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est que quand on connaît un minimum l'histoire de la France, on sait que c'était, voilà, si on remonte très loin, c'était des tribus, voilà, il y a des régions, et on peut le voir, il y a déjà des différences au sein de l'Hexagone. Dans la manière d'être, dans la manière de penser, tu vas du sud au nord, c'est pas les mêmes, quoi. Mais on a réussi à créer cette cohésion hexagonale. Pourquoi on n'a pas réussi à faire la même chose avec les territoires comme les Dom-Tom? Parce que c'est peut-être trop loin. Parce que justement, en fait, pour reprendre, je repars sur l'idée de la nourriture, entre une ratatouille qui vient de Provence et j'ai pas d'idée, une flamencuche, mais c'est un peu trop différent, ça. Ouais, ça va. C'est un autre plat, donc, avec des légumes qui est plus du nord de la France. Il y a les mêmes techniques, et les mêmes épices. Alors que, genre, entre la Guyane ou la Polynésie, bah, je crois que c'est pas la même, quoi. Non, c'est ouais, donc, loin des yeux, loin du cœur, quoi. Il y a des différences, mais il y a quand même des points énormément de ressemblance. Que c'est, il y a eu un mix, quoi. Ça m'a oulé, tu voulais dire quelque chose ? Ben, je voulais juste revenir à ce qu'avait dit Xiaran du fait que... je parlerai juste pour les Antilles, je ne connais pas assez les autres îles, mais du fait qu'ils font beaucoup d'enfants, alors que parfois ils sont au chômage... Je pense que la religion joue beaucoup, parce qu'aux Antilles, ils sont très chrétiens, catholiques et évangélistes. Ça joue beaucoup, parce que même en métropole, on voit les Français qui sont encore chrétiens, catholiques, ont aussi beaucoup d'enfants. À mon avis, ça joue beaucoup, la religion. Oui, et je peux confirmer, c'est que du côté de mes grands-parents, ils étaient souvent 7, 8, 9 enfants, alors qu'aujourd'hui, on est 1, 2 ou 3. Non, aujourd'hui, les catholiques qui vivent en France, donc sur le territoire français, c'est très rare, très très rare, les familles qui arrivent à monter au-dessus de 5 enfants. Oui, mais ils se posaient pas la question à cette époque. Ah bah, avant, oui, avant, ils se posaient pas la question. Mais aujourd'hui, une famille, encore, qui plus est, en plus au chômage, même si elle est catholique, pas d'enfant, il n'y a rien. Oui, parce qu'ils avaient une ferveur. Moi, ma grand-mère, en fait, elle était hyper catholique. Enfin, mes deux grand-mères étaient hyper catholiques. Elle connaissait les textes en français, surtout les évangiles, mais elle connaissait pas le fondement, tu vois. Elle se posait pas la question des populations ou de savoir s'il y avait trop ou pas cet enfant. D'ailleurs, mes grands-parents, c'était la période de la guerre, mais ils l'ont vécu vraiment, genre de, suivant mes grands-parents, de 10 à, je sais pas, 25 ans, tu vois. Et eux, ils ont subi ça. Et la question ne se posait pas de faire des enfants, tu vois. Aujourd'hui, moi, si je veux avoir des enfants, déjà dans ma tête, ça fait « putain, merde, il y a les 11 vaccins, il y a Macron qui va imposer l'école obligatoire républicaine », tu vois, je me pose des questions comme ça. À l'époque, ça se posait pas, ça. Bah, c'est ce que les Français, c'est ce genre de questions que se posent les Français. Est-ce que si je fais un enfant, quelle ville je vais lui offrir? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je vais pas faire des amis chez Dom-Tom, mais je les trouve un peu ingrats, quoi. Parce que, comme je disais, là, pendant les Trente Glorieuses, la vie était belle, hein, vive la France, et dès que c'est la crise, ah ben, ils deviennent ingrats. Hein. À quel Dom-Tom tu penses? Comme Comore, et je crois que c'était en réunion, là, pendant avec les problèmes qu'il y a eu. Et ils demandent leur autonomie à chaque fois. Ah, je pense que tu te trompes, parce que les Comores, en tout cas les Mayotte, ne demandent pas son autonomie, c'est tout l'inverse. Et depuis le début, il y a eu deux ou trois référendums, ils ont toujours voulu rester français. Ce sont les autres îles des Comores, on demandait à être indépendantes, elles sont devenues indépendantes. Mais pas les Mayotte. Vu des Comores, eux ils disent la France voilà doit cesser d'occuper le pays, etc. Quoi. Les Comores, mais c'est pas un dom-tom, les Comores, c'est indépendant. Enfin, je peux dire les Mayotte peut-être, hein, c'est oui, c'est. Mélange des pinceaux, j'ai l'impression. Les Comores, pour bien comprendre, les Comores sont indépendantes. Il y a l'île de Mayotte qui fait partie de l'archipel qui elle appartient à la France. Voilà. Est-ce que c'était par rapport à l'histoire, justement, où il y a eu l'ouragan, là? J'ai vu depuis le net, parce que je regarde pas les infos depuis la télé, je ne l'ai plus. Et quand il y a eu le... c'était où déjà? Excusez-moi, rappelez-moi. Saint-Martin. J'ai vu une jeune fille noire, enfin, noire de peau, qui a fait au lait, on va dire, avec des traits caucasiens, qui disait... Qu'est-ce qui se passe? La France vient pas, enfin, l'État vient pas nous aider, et les seuls qui sont aidés, c'est les Blancs. Ben, non, c'est pas les Blancs, c'est la partie américaine qui est aidée. C'est ça qui est, en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, comment elle s'appelait? C'était Saint-Martin, t'as une partie qui est protestante, je crois, partie hollandaise, ouais. Ben là, ils avaient ce qu'il faut, et le reste, Macron, on n'avait rien à foutre. Mais elle disait, oui, c'est les Blancs. Déjà, je regardais sa gueule, je me disais, ouais, limite, t'as l'air d'une Sri Lankaise. C'est-à-dire que, en fait, t'as des traits caucasiens, mais t'as un peu noir de peau, donc tu te considères comme une noire. Mais t'es pas une noire. T'es pas une Africaine de Centrafrique ou d'Ouest Afrique, tu vois, ou d'Est Afrique même. C'est-à-dire, elle dit, oui, excusez-moi, il y a des Blancs et tout qui se font sauver et tout. Non, c'est que la République française ne t'a pas aidé, mais la partie hollandaise protestante, eux, ils ont fait en sorte que, et il se trouve que c'est des fois des Blancs. Enfin, voilà, tout simplement. Oui, alors surtout, si tu sors de Saint-Martin, c'est parce qu'il y avait eu le premier avion qui avait été affrété, en fait, pour ramener les gens, sur l'île de la Guadeloupe. Et c'était un avion rempli de touristes. Et quand l'avion est arrivé, évidemment, il était rempli de Blancs. Alors tout le monde a dit, la France sauf que les Blancs. Mais il se trouve que c'était des Américains, la plupart. Bizarrement. C'est un mélange de plein d'ethnies là-bas. C'est pour ça que Je pense que la nation, l'histoire de nation, de patrie française et compagnie, c'est impossible à ancrer. C'est faut oublier, quoi. Bah, non, mais c'est tout con. C'est juste, ça va tellement vite. Ça va tellement vite qu'on n'a plus de repères. On n'a plus rien. Ouais, ouais. J'ai un peu du mal en tant que. Je ne pas que racialiste, que démocratie participative et tout, et je me rends compte que. En fait. T'es pas raison, je suis désolé, le seul truc qui nous reste en commun, c'est la nation, c'est la France, quoi. C'est con à dire, mais il n'y a que ça. Alors quand j'en entends qui disent anti-métissage, moi je vais dire un truc tout con, le métissage, de toute façon, c'est pas une idéologie. Métissage, d'ailleurs, on parle de métissage, c'est entre taux de mélanine, souvent, c'est même pas entre... les gens, ils s'aiment, ils font des enfants, peu importe. Voilà. Mais c'est surtout que enfin, bordel, regardez ce qui se passe. Quand je vois, ouais, ok, t'as des Henri de Lesquin qui reviennent, mais regardez la réalité en face, bon sang. Mais ce métissage n'est pas possible parce qu'il y a des présences de. C'est-à-dire la réalité, c'est ça la réalité. C'est effectivement, on n'a pas, c'est pas comme le régime nazi qui a fait de l'eugénisme. Poussé, non, mais c'est quoi la réalité? Quand tu dis en face, quelle réalité? La réalité en face, je suis désolé, c'est qu'il y a du métissage. Il y a du métissage parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vocation à être sur ce territoire. Et forcément, des individus se croisent et donc... C'est ça qu'il veut dire. Nécessairement, il y en aurait de toute façon. Au-delà de l'idéologie promue par les élites, il y aurait du métissage, quoi qu'il arrive. Il y en aurait une petite dose, de toute façon. Du métissage en dissolution, bien sûr. S'il y avait eu donc beaucoup moins de communautés arrivées en masse, s'il y avait eu 2-3 par-ci, par-là, il y aurait eu du métissage, mais ça, il aurait été dilué. Là, on ne peut pas le diluer. Non, mais je comprends. En plus, on a donc le gouvernement qui nous invite à nous métisser, c'est-à-dire qu'ils en parlent ouvertement, mais ils nous demandent de nous métisser. Et ça, c'est possible. Oui, mais c'est... d'accord. Bon, on dérive un peu, là, on digresse. C'est plus trop les mêmes tomes, là. Enfin, bon. Juste pour finir, oui, il y aura de plus en plus de communautarisme. Le but, c'est au moins qu'on se retrouve sur des sujets communs, qu'on s'entende et que ça finisse pas en guerre civile, tout simplement. Et pour aider des choses... Vas-y, vas-y. Pour en revenir justement au dom-tom, on n'a toujours pas élucidé en fait déjà les premières questions. Bon, c'est par rapport à comment se définiraient en fait ces gens-là pour se dire français. On n'a toujours pas eu une définition de ça. Et au-delà de ça, après, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui est pertinent. Est-ce que il y a un moment donné où on ne doit pas, comme je disais en fait, remettre les choses à plat? Dire, est-ce qu'on n'a pas laissé tomber trop de choses vis-à-vis de ces comment des dom-toms et on aurait dû plus développer parce que je pense que à ce niveau-là, c'est pas un problème, je pense culturel, c'est plus un problème économique qui a à régler sur les dom-toms. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est un problème économique. Oui. C'est un problème plus économique, je pense. Parce que, vas-y, pardon, vas-y. Fondamentalement, je pense qu'il y avait tout allait plutôt pas trop mal et ça tendait à, si on n'avait pas dérapé à un moment donné, ça tendait à aller de mieux en mieux. Mais on a abandonné le projet, quoi. Ok. Donc, ouais, intéressant. C'est-à-dire que toi, tu penses que justement le fait qu'on ait lâché l'affaire économiquement, puisque c'est clair au niveau des dom-toms, c'est ce qui fait que ça se dégrade. Alors ça pourrait bien se passer, parce que dans l'absolu, je tiens à dire que les dom-toms réunis ils ne forment pas une grosse population. Ça pourrait mieux se passer, en fait. Je pense qu'on a sous-estimé, en fait, le potentiel de ces endroits, en fait. Quand tu parlais même de la Guyane, mais si on mettait les moyens qu'on met, en fait, dans la métropole sur ces territoires, mais tu parlais d'orpaillage, tu parlais de diamants, mais on pourrait faire des miracles. On pourrait être les... Enfin, c'est peut-être prétentieux, là, c'est juste pour un petit peu éveiller les esprits, mais on pourrait être au top. On a décidé volontairement de laisser la forêt vierge. Bien qu'il y ait 2-3 escarmouches de personnes qui ne viennent même pas de Guyane, on a pour principe de laisser ce territoire vierge. Donc, je ne parle pas de faire une razzia et d'en faire un parking. Je parle qu'avec les connaissances actuelles, on a des zones, par exemple, pour énergétiquement, on pourrait en faire quelque chose. On aurait dû développer. On aurait dû amener plus de choses. On aurait dû continuer. C'est parce qu'on a lâché l'affaire sur tellement de choses que bah forcément c'est une suite logique que les dom-toms en fait en pâtissent. Alors la Corrège aussi aurait mérité alors de devenir un truc. Petit pavé dans la balle. Moi je pense que les dom-toms c'est ce qui confère à la France son statut de grande puissance. C'est-à-dire que si tu lui retires ses dom-toms, la France n'est plus une grande puissance. C'est fini. Moi je suis d'accord, complètement d'accord. Stratégiquement, je pense que s'il y a quelque chose à développer et à redévelopper, c'est là qu'il faut. Il y a quelque chose à faire là. Il faut taper là-dedans. Parce que c'est encore là qu'il y a des gens qui sont là et qui demandent, mais venez la France. On veut que vous fassiez des choses. Parce que fondamentalement, je pense que au-delà de la définition que je demande depuis tout à l'heure, je doute pas réellement en fait de leur sincérité. Ils ont une particularité qui pour moi s'apparente réellement, pour le coup, à des régions. C'est des régions françaises avec leurs particularités, et même si elles sont loin, avec le temps, ça ne se serait qu'atténué comme ça l'a fait avec dans l'Hexagone, alors que les gens sont à la base très différents, même au sein de l'Hexagone. Oui, sur le même principe de construction de la France. Mais... Même principe. On aurait dû continuer et appuyer encore un peu. Non, là, ça va beaucoup plus loin. Ça s'est fait en très peu de temps et c'est vraiment des gens qui viennent des quatre coins du monde. C'est pas la France, elle s'est construite en 1500 piches, quand même. Pas tout à fait, mon cher Martin. Alors là, contre-exemple immédiat. Les Antilles ont intégré la France bien avant la Savoie ou même le PACA, Nice. En 1880 ou 90, ça, ils avaient une armée, la Savoie, jusqu'en fin du 19e. La Savoie intègre la France en 1860, quelque chose comme ça, traité de Turin. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus vieux que les Antilles. Non, mais ça prouve pas que, par exemple, la Guadeloupe... ou la Martinique, elle est une histoire antérieure à la France. C'est pas parce que c'est devenu une région avant le Jura qu'elle a l'histoire de toute la France derrière. Le Jura fait partie de la France dès le départ parce qu'elle était dans le continent depuis que la France est France. Après qu'elle soit devenue une région sur le papier, bon ben voilà, si tu veux... Tu regardes l'évolution des cartes sur comment la France s'est découpée à travers les siècles. Ouais, j'ai vu. Je te raconte pas comment ça fait des... Par exemple, moi, j'ai un texte, Il y a des parties, des scissions entières du territoire qui sont perdues, on les retrouve. Mais il y a une idéologie française quand même ancrée avec... Tu prépis ça, l'Alsace et la Lorraine, en fait. Par contre, moi, je crois qu'il faut bien séparer, quand on parle l'histoire du territoire en tant que tel, en tant que territoire, et l'histoire des gens. Parce que les gens, après, tu as les Français, tu as les descendants d'esclaves, alors Français, pas Français, puis tu as le territoire. C'est des choses différentes, quoi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et j'ai deux, trois petits trucs sur un texte. Ça commence comme ça. Connais-tu le charbon, la chabine? Bon, ça parle des Antilles. Le charbon, c'est au sens métonymique de noir. Chabine, on désigne ainsi les Afro-Caribéennes à la peau claire, dont soit les cheveux, soit les yeux ne sont pas noirs. Ensuite, la suite du texte, c'est le coulis, la peau chapée, la grosse babine. Donc, le coulis, c'est mot créole pour désigner les Antillais d'origine indienne, déformation de coulis, bon, après, il y a toute l'explication. Peau chapée, expression créole pour désigner une peau d'un noir clair. Une partie du monde qui s'est créée sur un petit territoire, quand on en a eu besoin, mais qui n'a pas d'histoire commune réellement depuis des centaines d'années, quoi. Donc c'est très compliqué de créer une culture avec ça, quoi. Tu parles de la Réunion là? Non, tu parles des Antilles. C'est casé. Alors c'est le chabin, c'est pas le charbon, c'est le chabin, ouais, la chabine. Le chabin. Non, c'est marqué, connais-tu le charbon, la chabine? Sinon, moi j'avais un pote Chabin, clairement, voilà, il avait des yeux verts, il avait les traits un peu africains, mais très légers, mais il était quasiment blanc de peau, les yeux verts. Chabin, dans ce cas-là. La Chabine, le Chabin. Et là où a battu Martin, c'est qu'il y a, il s'accepte pas entre eux. Il y a une disparité. Tu dis, pour le coup, un entier qui est d'origine africaine, qui est d'origine indienne, il le prend mal. Et entre eux, il y a une disparité aussi. Bah, c'est des îles qui se sont construites sur un gros métissage. Alors, vas-y, Sabaoulé. Tiens, en plus, t'es Guadeloupéen. Ah, on t'entend pas ? Vous m'entendez ? Ah, voilà, là, on t'entend. Oui. Ouais, je disais, moi, une de mes tantes qui est donc guadeloupéenne, on va dire sans mêlée, s'est mariée facilement avec un Guadeloupéen qui a des origines indiennes et ça n'a pas du tout posé de problème. Hein. Enfin, ils ne se foutent pas sur la tronche, quoi. Il n'y a pas vraiment de communautarisme. C'est vrai qu'ils vont rester entre eux. Par exemple, ceux d'origine indienne sont souvent dans les mêmes villes. Mais ils se mettent pas sur la tête non plus, quoi. Non, ils se mettent pas sur la tête, mais il y a pas de mélange entre eux. Ils se marient entre eux, ils restent entre eux. C'est ça que je voulais te dire. Il y a pas d'animosité particulière entre eux, mais ils aiment bien différencier leurs origines. Et pour le coup, moi, dans la famille de mon ex, où il y avait du mélange des deux, ils aimaient bien différencier s'ils étaient d'origine indienne ou africaine. Mais l'Inde, c'est un pays de caste, hein. Faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, on parle de civilisation indo-européenne et la France a hérité de ça, faut pas l'oublier. D'ailleurs, on parle de noirs souvent en tant qu'Africains. Moi, je suis désolé, il y a des noirs indiens qui sont caucasiens, faut pas l'oublier. Alors, pour ce qui est des Antilles, quand même, la France et depuis justement ces statuts de dom-tom, de drom-com, de voilà tout ça. En fait, ils ont été quand même créés pour ramener une égalité totale entre les droits des citoyens en métropole et dans ces pays-là. Après, on a trouvé des particularités, parce que, quoi qu'il arrive, c'est une réalité, on ne peut pas appliquer stricto sensu les mêmes lois ici et à des territoires qui sont soumis à des spécificités vraiment très particulières, très très loin de la métropole. C'est normal qu'ils aient une autonomie quand même. Je pense que c'est un peu naturel, parce que sinon, tu peux pas avoir une gestion trop centralisée. Seulement, on a bien vu que quand même l'essentiel, et c'est ce qui fait la spécificité des dom-toms, c'est de donner exactement les mêmes droits. Parce que par exemple, les Britanniques qui ont conservé une des dom-toms aussi, les Hollandais aussi. Mais ils ont trouvé des statuts un peu différents. Ce n'est pas le statut 100% britannique, par exemple. Après, il y a des inégalités aussi, entre la France d'outre-mer et la France métropolitaine. Ça, souvent, on l'entend. Non, mais en droit, il n'y en a pas. En termes de droit, je sais pas, j'entends. Oui, non, bien sûr, mais il y a souvent des problèmes. Enfin, je sais que, je sais plus si c'est en Martinique ou en Guadeloupe, ils n'ont pas de RSA, ils n'ont pas de... Non, ils ont du RSA en Guadeloupe. Ah, c'est en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Parce que c'est un autre régime. Ils n'ont pas d'ailleurs même la sécurité sociale, c'est un autre régime. Mais donc, justement, il y a la particularité des dom-toms, enfin, les dom, justement, ou les drômes, c'est d'avoir justement les mêmes droits que les Français. Donc ils ont le RSA, ils ont l'euro, ils ont tout, hein, ils ont absolument tout, la CMU, tout. Oui, je confirme, ils ont tout. Hein. Là-dessus, après, il y a quelques îles, mais elles ne sont pas considérées comme des drômes, je crois. Ils ont tout ce qu'ils devraient avoir, en fait. Donc le développement, et voilà. C'est, en fait, on leur a donné en fait, les restes. Et c'est ça le problème. Donc ils sont dépendants en fait de la France. Bah, absolument. Ils dépendent nous-mêmes, nous sommes dépendants les uns des autres. Et si on les considère comme nous-mêmes, et ben en fait on les a tout simplement laissés tomber. C'est comme là qu'on pourrait les comparer avec nos campagnes. On a laissé tomber nos campagnes. Pourtant, ils arrivent à s'en sortir. Ils ne font pas de manifestations dans tous les sens. Et quand on regarde le territoire de la Guyane, c'est suffisamment grand, ils pourraient devenir relativement riches. En plus, ils ne sont pas trop mal. C'est pas trop sec, c'est vivable, que je disais. Là. Ah non, mais la Guyane, ça se passerait très bien s'il n'y avait pas l'immigration. Eux, leur problème, c'est ce qu'ils le disent, hein, c'est l'immigration. Parce que s'il n'y avait pas cette invasion, justement, de toute l'Amérique du Sud, les gens qui arrivent en pirogue, machin, qui traversent la forêt, les Guyanais, ils seraient dans leur petit pays tranquille, t'entendrais pas parler de la Guyane, je pense. En plus, c'était pas très, c'est pas supra peuplé la Guyane hein, non plus. Maintenant, elle est peuplée de tout. C'est comme Mayotte, c'est des petites îles, tout ça. Tu vois que si en fait il y avait pas ce problème d'immigration, bah les gars, ils seraient sur leur île tranquille, on n'entendrait pas parler d'eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont soumis à la pression migratoire. Ça fout le bordel. Hein, quand tu sais que quand même 100% des Mahorais sont faits agresser, quasiment, c'est incroyable. Il y a une situation mais désastreuse en Guyane, c'est pareil. Il y a des braquage apparemment continuellement, des agressions dans la ville, etc. Les gens, c'est invivable, quoi. Sauf que nous, la France, on est un peu, alors, justement, par volonté politique, on a délaissé ces territoires, et du coup, la gestion, bah, c'est impossible, parce que quand tu vas te retrouver en Guyane, t'as, je sais pas, bon, je dis de façon arbitraire, 300 policiers, il en faudrait le double, quoi, en fait. Bah, c'est un peu le même problème en France. Ah, c'est qu'on n'a pas les moyens, en fait. C'est sûrement qu'en fait, on n'a pas les moyens d'investir plus chez eux. Et pour investir, sinon, toujours cette volonté de puissance, cette grande France, c'est je vais faire mon anticapitaliste là. Mais pourquoi vouloir à tout prix que la France soit la grande France qui a la puissance partout? Franchement, on en 2018. Alors, je sais que la réalité, ça, c'est une réalité qui est une réalité inhérente en fait au contexte en fait économique et d'organisation civilisationnelle actuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se positionner pour être dans le haut du panier ou dans le bas du panier, ou au moins tout du moins au milieu pour être pas trop mal. Et bah voilà, non, on n'est pas trop mal. Les dom-tom, c'est une vraie force. Si, et je rejoins tes pas là-dessus, c'est-à-dire que si tu enlèves les dom-tom en fait à la France c'est terminé. Un problème politique. Ouais. Oui, pardon, vas-y, continue. Juste pour terminer très très succinctement, on a tout simplement pas fait ce qu'il fallait. Il faut, si on a quelque chose à refaire, il faut le voir là-bas. Et pourquoi on a laissé tomber? Bah parce qu'en fait on a laissé on a différé en fait les fonds pour les personnes du pays du Maghreb et qu'on laisse rentrer, et puis les invasions, enfin tout ça. C'est pas très logique ce que tu dis, Mathieu, hein, parce que d'un côté tu nous dis donc la France c'est l'Hexagone. Pour moi c'est la France, c'est l'Hexagone. Et donc les drômes c'est à la France. C'est toujours un truc à comprendre. Mais si on n'arrive pas à investir plus d'argent, c'est parce qu'on peut pas. Et donc qu'est-ce que tu veux investir de plus? On ne peut pas parce qu'on n'a pas la volonté. Attendez, parce que toujours d'une volonté. Mathieu, il y a Fred qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui voulait parler aussi. Et alors je voulais dire à Tepa aussi, il y a Abzu qui nous dit que parmi nous il y a Yamikyo qui apparemment habite en Guadeloupe. Alors du coup, on va les faire parler alors. Alors vas-y Fred et après Yamikyo. Ok, alors bonjour. Alors je viens de la Réunion. Ah, il faut que tu. Par contre Fred, c'est horrible. On est là, il y a trop, ça sature dans tous les sens. Il faut que tu règles quelque chose là. C'est mieux là ? Un peu mieux. Un peu mieux, ouais. Donc ce que je disais, c'est que j'ai vécu à la Réunion pendant 20 ans et à partir de 2014, clairement, ce qui m'a fait partir de mon île après 2 ans de prépa, c'est que en termes d'école d'ingénieur, c'est vachement limité, quoi. T'as que des trucs assez généraux comme BTS, tout ce qui dit informatique, mais t'as pas vraiment d'école d'ingénieur, par exemple, spécialisée. Ce qui fait que t'as pas mal de Réunionnais qui partent en métropole et qui soit restent là-bas ou retournent sur l'île, mais pareil, t'as pas d'entreprises qui peuvent les embaucher sur du long terme, quoi, au final. Mais regarde, c'est parce qu'on s'est un peu délaissé par rapport à tout ça. Excuse-moi, mais la seule justement qui a fait réellement un programme pour les dames, c'est Marine Le Pen. Oui, ça avait précisé. Alors c'est Yamioko aussi. Oui, Yamioko. Allô, allô. Il a son micro, mais on ne l'entend pas. Ah, donc son micro ne doit pas être réglé. Ah, et toi, Fred, tu étais à la Réunion. Donc la Réunion, c'est intéressant. C'est quoi la situation actuelle de la Réunion? Parce que tout à l'heure, je voyais dans le chat des gens qui me disaient qu'ils étaient débordés avec l'immigration comorienne et que ça leur posait beaucoup de problèmes. Alors, je t'avouerais que moi, La Réunion, j'ai championné il y a 3 semaines, mais que pour 2 semaines, tu vois. Et du coup, je ne saurais pas te dire au jour le jour. Maintenant, même il y a 4 ans, je voyais déjà que des Comoriens, enfin, les Comoriens ont vraiment une sale image là-bas. Par exemple, nous, on fait bien la distinction entre un Maoré et un Comorien, ne serait-ce que par rapport à l'hygiène, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui se voient, quoi. Et c'est clair qu'on a vraiment, voilà, quoi, une mauvaise vision de simplement. Mais par rapport à La Réunion, je pense que le véritable problème, il est plutôt d'ordre économique. Par exemple, parmi les jeunes, tu as un chômage vraiment hallucinant. Et à mon sens, voilà, c'est l'un des premiers problèmes sur l'île, quoi. Ok. Alors, Yamiyoko? Toujours pas. Micro est coupé. Bon. Bon, on va Alors continuer après, alors. si je peux Ouais, juste vas-y. répondre au titre du débat, le roi de France disait souvent que, enfin, il s'adressait à leur peuple en disant à mes peuples. Donc, ils admettaient qu'à chaque territoire, en fait, tu avais une différence ethnique. Et finalement, enfin, quand tu es dans les DOM, enfin, ton but, c'est pas forcément, enfin, c'est pas vraiment d'aller dans la métropole. Enfin, les gens sont bien là où ils sont, tant qu'ils ont le minimum vital pour vivre. Donc, à mon sens, enfin, les DOM sont clairement un terrain d'investissement au lieu de faire une immigration de masse venant d'Afrique, par exemple. Du développement. Il faudra développer. Exactement, exactement. Par exemple, je vois à La Réunion, tu vois ce qu'on appelle les Fazaï, Fazaï armées, zone sud, océan Indien, et grosso modo, ils s'occupent de la sécurisation des terres australes et de tout ce qui dit piraterie. Et par exemple, si ce genre de choses était plus développé, déjà, d'une, ça nous assurerait des transports plus sécurisants et un emploi d'avenir. Très bien. Ouais, c'est intéressant. Donc, Allô? Ah. Allô, vous m'entendez? Ouais, Bah on là, on t'entend. t'entend. Vas-y. Ah, bonsoir tout le monde. J'étais du Bonsoir. paradis. Ben moi, je suis guadeloupéen. Je suis revenu récemment en Guadeloupe. J'ai passé les 10 dernières années en métropole. Et justement, pour aller dans le sens de Greg, effectivement, moi, j'ai jamais spécialement eu envie d'aller vivre en métropole, même si j'ai rien contre. Hein. Mais c'est vrai que quand on a tout ce qu'il nous faut chez nous, on reste chez nous. Sauf que moi, en fait, j'ai fait de l'archi et il n'y a pas d'école d'archi en Guadeloupe. Donc, la même fois que j'aille à Paris ou ailleurs, en l'occurrence à Paris. Et je pense vraiment qu'il faudrait plus investir aux Antilles que nous laisser dans notre coin. Parce que même dans les quand vous regardez les revendications du genre de LKP, souvent c'est ce qu'ils demandent en fait. Plus de contrôle, plus d'égalité, mais plus d'État en fait. Plus de contrôle, plus de France. Comment justement c'était, comment d'interpréter, tout à l'heure on parlait justement des troubles en Guadeloupe, il y a eu avec des mouvements comme le LKP de Elie Domota et ces mouvements qu'on qualifierait d'autonomistes ou d'indépendantistes guadeloupéens. Est-ce que c'est un projet concret et on a vu qu'il y avait eu des émeutes, c'était sous Sarkozy les émeutes, c'était en 2009 je crois, hein, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Guadeloupe, c'est comme partout. Il y a différentes opinions, différents avis, différents leaders. Et que, à la base, Elie Domota, c'est plutôt un mec qui parlait d'équité sociale et économique. Mais que, comme souvent, dès qu'il y a un grand mouvement comme ça en Guadeloupe, le petit groupe d'indépendantistes qui fait beaucoup de bruit, même s'ils ne sont pas nombreux, essaie de s'emparer de la chose et de détourner. Mais globalement, si je me fie, bon, je ne connais pas tous les Guadeloupéens, mais. Si je me fie aux gens qui m'entourent, aux gens avec qui je discute, l'indépendance, c'est pas, franchement, c'est pas un débat. Moi, je connais pas de Guadeloupéens qui se sentent pas français. Moi, j'en connais un, mon père. Alors, évidemment, on sent français différemment, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas tout à fait la même histoire. Mais la question se pose même pas. En tout cas, moi, je me suis jamais posé la question. C'est... Donc, ça me fait bien des battes déjà, ça m'a fait drôle. Est-ce que tu peux nous parler aussi du rapport justement avec les Français de métropole? Parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, en Martinique, où il y a eu une histoire de l'esclavage très prégnante sur l'île, les rapports sont plus exacerbés que dans d'autres territoires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je pense que ça, c'est plus à Martinique qu'en Guadeloupe, mais je pense que c'est surtout dû au fait que, effectivement, comme toi-même, tu l'as présenté, très belle présentation des Antilles d'ailleurs, je n'aurai pas grand-chose à ajouter. Souvent, les détenteurs de grands commerces sont les descendants des colons, en fait, les béquets. Mais ça, c'est plus vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, même si on est très proche, c'est plus vrai en Martinique qu'en Guadeloupe. Parce qu'historiquement, quand on a commencé à couper des têtes en métropole, et donc pareil aux Antilles, les Anglais sont arrivés en Martinique et ils ont protégé ces gens-là un certain temps. Ce qui fait que les vrais grands descendants de colons propriétaires terriens en Guadeloupe, la majorité sont morts ou ont été forcés de léguer ou partager. Donc ce genre de problématique, c'est plus en Martinique, mais c'est vrai que comme quand on est loin, on a plutôt l'impression que c'est un ensemble. Mais on est assez indépendants les uns des autres. On n'évolue pas pile poil de la même manière. Oui, ça, c'est un petit passage historique à rappeler, effectivement. En Guadeloupe, la communauté béquée s'est fait couper la tête à la Révolution, et la communauté en Martinique a été protégée par la présence militaire anglaise. Donc c'est pour ça que cette communauté a survécu. Bon, petite anecdote de l'histoire. Tu voulais dire un truc, Sabahoulé? Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais demander à Yannick justement, quand il parle de ces, que tous les Guadeloupéens n'ont pas le même avis sur l'indépendantisme. Je voulais savoir si la classe sociale entre les gens ne jouait pas beaucoup sur ça. Non, franchement, non, du tout, pas du tout. Dans toutes les classes sociales, il y a des gens qui soit sont indépendantistes, soit ne le sont pas. Il n'y a aucune corrélation. C'est vrai que le plus souvent, les gens qui râlent le plus souvent sont des hauts fonctionnaires, comme par hasard. Ils sont nourris par l'État, mais c'est eux qui râlent. Non, il n'y a pas spécialement de corrélation directe. Quand je discute avec les gens autour de moi, non. D'accord. Comrade, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai vu ton micro qui s'allumait. Non. Non, il a tout coupé. Ah, ok. Ouais, il a tout coupé, ouais, je vois. Bah, effectivement. Alors, c'est marrant qu'on parle beaucoup des Antilles. C'est-à-dire que la connotation dom-tom, elle est très... voilà, les Antilles étant les plus célèbres. Alors, faut savoir que c'est les dom-toms les plus peuplés, hein, il me semble, les Antilles, hein, de loin. Je pense que excuse-moi, je crois que la Réunion a 800 000, la Guadeloupe 400 000, et la Martinique 400 000. Donc, la Réunion... Donc, c'est équivalent, quoi. La Réunion en soi, elle est plus peuplée, mais Guadeloupe, Martinique réunie, ça fait à peu près pareil, quoi. Ah, c'est ça, en fait. Je pense qu'ils sont plus représentés en métropole, surtout... C'est pas faux. C'est vrai que souvent, quand on voit les grands sportifs ou même les gens comme les journalistes, comme Audrey Pulvar, souvent sont des Antillais en fait. Il n'y a pas beaucoup de Réunionnais. Donc je pense que ça joue ça. Ouais, c'est vrai que même par rapport à tout ce qui dit musique, même quand en métropole, tu n'entends pas forcément des artistes de la Réunion, mais alors tout ce qui dit dancehall, etc., par rapport aux dômes, c'est vraiment présent, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que ça participe à plus faire connaître justement toutes ces îles au lieu des autres. Comme par exemple Mayotte, je pense que personne ne connaît réellement sa propre culture et sa propre histoire. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi eu des partenariats à un moment économique où on faisait venir les gens de Guadeloupe et Martinique pour travailler en France parce qu'il y avait un fort déficit au niveau du chômage? Alors ça, c'est de la complète connerie. Les Français de souche n'ont jamais eu besoin des immigrés pour faire tourner leur pays. Ça, il faut que ce soit clair. Non, je parlais de l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de chômage en Guadeloupe et en Antilles et en Martinique qu'on les a fait venir en métropole pour leur assurer du travail. C'est tout à fait vrai, parce qu'il y avait un plan pour faire venir l'administration. Donc c'est vrai, et je rajoute pour la Réunion que Debré faisait venir des orphelins qu'il a fait pour repeupler les régions françaises, comme la Corrèze, comme la Creuse, où on faisait venir des orphelins, et en fait, aujourd'hui, on a découvert qu'ils étaient même pas orphelins, mais c'était des enfants pauvres de la Réunion, puisqu'ils avaient même des parents, et on les a enlevés pour les ramener en Corrèze. Et, voilà. Ah, d'accord, je sais même pas. Une conséquence encore de... Voilà. Pour moi, c'est un constat, de l'abandon de ces hémisphères. Exactement, ça va dans le sens. Et puis, je pense que du coup, on les connaît mieux parce qu'on les... Bah, parce qu'on les connaît mieux, parce qu'on les a plus côtoyés, parce qu'on en a plus vu, nous, en tant que Français. Ah oui, absolument. Et puis, par exemple, lorsque je pense à la Polynésie française, enfin, tout ce qui dit Tahiti, etc., il faut savoir que il y a des compagnies entières qui sont où t'as que des mecs qui viennent de ces îles là donc clairement enfin des dômes t'as pas mal de patriotes quoi. Et donc alors la question qui me brûle les lèvres donc qui est en rapport avec le titre hein, donc qu'est-ce qui fait vous sentir français, c'est quoi le truc ? Parce que par exemple, pour des Anglais, en fait, nous, les Français, on est appelés les grenouilles, parce qu'on mange des grenouilles, on mange des escargots. Mais je ne pense pas que dans la Réunion, on mange des grenouilles et des escargots. Alors non du tout, mais je vais dire un truc très simple, c'est que sans la métropole, la Réunion n'est absolument rien. Clairement, c'est pas avec, c'est pas avec de la canne à sucre qu'on va conquérir le monde, quoi. Mais on sait en tout cas que sans la métropole, on n'aura pas d'aide. Par exemple, t'as une taxe qui nous fait grimper nos produits, qui est l'eau de mer. Et encore une fois, enfin, je pense que c'est juste une vision lucide de ce qui est. Et à la Réunion, contrairement à d'autres îles peut-être. La repentance coloniale n'existe pas. Donc, dans le meilleur des mondes, si tout le monde. Alors, que tu vis à la Réunion, soit tu t'intègres et t'es yab, ou alors t'es juste un touriste, quoi. Mais t'as pas de. Tu es yab par rapport à ça. Tu es quoi, t'as dit quoi ? Bon, enfin, dans le meilleur des mondes, en fait, si personne voulait faire la guerre et tout, tout ce que vous demanderiez, en fait, c'est une forme de protectionnisme, enfin, une forme de protection alimentaire. Quoi. Voilà, Fred, excusez-moi, je peux poser une petite question à Fred. C'est, si tu enlèves le facteur économique, parce que là, tu viens de parler d'un facteur économique, qu'est-ce qui te raccroche, en fait, à la France ? Rattache, voilà, d'une certaine façon, qui te permet de te dire « ouais, je suis français ». Ou qu'est-ce qui te permet de te dire, ouais, j'ai envie de l'être, pour quelle raison ? Ou l'inverse, ou non, je suis pas français. Ou l'inverse. Peut-être la culture ou la langue, je sais pas, non, il va le dire. Je vais te répondre simplement. Regarde notre emblème, c'est le coq. France, franc, ça veut dire libre, terminé. C'est un pays qui est au niveau des Latins, des Méditerranéens, des Scandinaves, des Germaniques, qui se sont battus, se sont mis sur la gueule pendant des millénaires et qui ont réussi à faire un pays. C'est ça la France. C'est le pays à l'origine de la liberté. Yannico, tu veux répondre ? Concernant la Guadeloupe, moi, ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, ce que la majorité ne la comprenne pas, que j'essaie d'expliquer aux métropolitains souvent, c'est que les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, même les autres, en fait, à la base, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Français, des Espagnols, des Français, ça n'existe pas, en fait. La culture créole des Antilles en tant que telle, ça n'existe pas. Donc, en fait, ce sont les Français qui sont à l'origine de notre existence. Ce qui fait qu'on est Français. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir ou pas. Oui, j'allais voir où tu veux en venir. Je pense qu'en fait, oui. En fait, il n'en a pas d'une responsabilité parce que, oui, vous êtes une création quelque part. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est une création. Donc, quelque part, c'est une excroissance d'une volonté, en fait, de l'Hexagone, en fait, qui est venue de l'Hexagone. Exactement. Qui était économique, de développement, mais on n'a pas, enfin, il y a un moment donné où les mecs ont lâché l'affaire de comment de, ils ont dit on laisse tomber l'idée, quoi. C'est obligé. C'est vraiment, c'est moi je me dis, ouais, ils se sont retrouvés à un moment, ils se sont dit, ouais, on se retrouve avec un truc sur les bras, et puis bon, en fait, ouais, le concept, on sait pas trop. Alors, justement, dans cette idée de oui, justement, l'abandon des dom-toms tel qu'on le vit, est-ce que c'est pas à mettre en lien avec la situation générale de la France? C'est-à-dire, là, je fais une grande perspective, puisque on est dans un gouvernement, entre guillemets, de collabos de traite qui a décidé d'abandonner la France, qui vend tout, qui laisse les souverainetés, qui vend les entreprises publiques, qui vend les services publics, qui vend même des parties de territoire, qui brade l'armée. Et dans cette politique-là, il y a aussi bradé les dom-toms, parce que les dom-toms, si on les retire en plus à la France, franchement, pour moi, ça devient un petit pays d'Europe. Enfin. Alors moi, j'aimerais ajouter, Pépa, qu'en fait, dans le cas précisément de la Martinique et de la Guadeloupe, comme l'a précisé Yann Kio, c'est une création française. Donc en fait, cette question-là n'est pas plus légitime envers lui qu'envers toi, en fait. Là, tu te bases sur une couleur de peau, et là, ça devient pour le coup du racialisme pur et dur. Or, je pense que c'est pas ce qui a construit la France, le racialisme, justement. Et ce qui a construit la France, c'est la culture, c'est toute la culture, je dirais, chrétienne et païenne aussi, mais c'est pour ça que je dis grec, parce que grec, c'est justement le côté Dieu multiple et paganisme. Le monothéisme est un monolatrisme polythéiste à la base. Il n'y a pas de religion monothéiste à la base. Il faut bien le comprendre. Restons sur le sujet. Que la France, de toute façon, elle a la multiple racine. Alors, pour revenir au sujet, la question n'est pas plus légitime pour Yann Kio que pour toi, Mathieu, par exemple. En tant que Guadeloupéen, il est autant français, je pense, justement parce que c'est une construction française avec toute la culture française. Le créole, c'est une langue qui est entièrement, c'est un dialecte qui est entièrement basé sur le français et qui n'aurait pas existé sans le français. Je suis d'accord avec Sarah, mais c'est toujours bon qu'il y ait justement ces discussions pour qu'il y ait en fait, qu'on mette les choses à plat et qu'en en fait, on se rende compte que voilà, c'est logique pour tout le monde. Que c'est une partie inhérente. Voilà, il n'y a même pas à se poser la question. En fait, c'est français puisque c'est les Français qui l'ont fait. Donc, il n'y a pas à se poser la question. Après, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, il y a une volonté chez certains panafricanistes de réveiller la velléité d'indépendance de ces territoires. Moi, je pense que ça affaiblira la France, mais ce que vous avez dit est totalement intéressant. C'est une création de la France, donc de fait, ils sont français, puisque c'est la France qui l'a créée. Mais ça, c'est très intéressant. Alors, vous en pensez quoi, justement, de ces velléités en ce moment, de réunir, d'ailleurs, toujours l'idée de la race derrière, puisque en opposition aux Blancs, parce que c'est toujours ça le paradigme, tu vois, sous-jacent, et donc qui dirait, il faut se séparer, justement, de cette France blanche, qui n'est plus tant que ça, d'ailleurs, pour redevenir indépendant. C'est de l'opportunisme, mais c'était nul et non avenu, puisqu'on a démontré tout à l'heure qu'il n'y avait pas que du sang africain aux Antilles. Donc, ils n'ont pas plus de légitimité que d'autres de leur demander de réclamer leur indépendance. Mais on est d'accord qu'on ne parle pas de que le racialisme n'est qu'un facteur dans l'équation. Ce n'est pas la finalité. Donc, en fait, on ne parle pas de sang, on parle de culture plus. Qu'est-ce qui rattache culturellement en fait ces îles à la France? Qu'est-ce qui en fait Le racialisme, c'est par rapport aux arguments des panafricanistes. Mais ça, c'est de la récupération, c'est de l'opportunisme stratégique. C'est-à-dire que eux aussi ont un combat et ils se disent, si je peux récupérer des voix là-bas, pourquoi pas? Ouais, mais c'est perdu. Voilà, c'est simplement ça. C'est à un moment donné, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Si on doit récupérer les Noirs d'Afrique, alors que là-bas, alors que les Noirs américains, concrètement, ils ont aucun lien, ils savent même pas de quel lieu ils descendent d'Afrique, ils ne savent pas, les mecs. Donc c'est juste de l'opportunisme, c'est de la stratégie d'opportunisme. Et après, on joue sur l'émotionnel et sur la teinte, sur le racial, alors que le racial, ça, c'est simplement une donnée scientifique. Ça ne sera pas. Attends. Il y a la langue. Il y a vraiment la langue qui joue. Et la religion aussi, hein, parce que c'est pareil, hein, les Antilles, c'est très chrétien, très catholique. Hein. Voilà, plus qu'un métropole, parce que chez nous, ça a perdu quand même. C'est clair. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel, en fait. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un facteur qui détermine le tout. C'est un ensemble de choses. Mais pour revenir sur les dom-toms, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une question qui doit plus se poser, pour ma part, c'est est-ce qu'ils sont françaises ? Elles sont françaises de par leur naissance, de par leur émergence. Je veux dire, sémantiquement, si on doit retomber à la genèse de leur existence, bah voilà, ça vient, c'est la France qui l'a créée. C'est une naissance, c'est comme une naissance, c'est comme un bébé, je sais pas comment vous le dire. Bien sûr, et puis c'est marrant parce qu'en langue des oiseaux, donc, puisque c'est une naissance, on pourrait dire qu'ils sont nés français et ils naissent français. Et dans les deux, dans le sens être et naissance, naître, ça va. Oui, mais c'est pas, tu le sais parfaitement. Comrade, il voulait dire quelque chose, je crois. Comrade, mon ami. Non, je crois. Très mal. On t'entend très, très mal. Ah, je suis vraiment désolé, en fait, j'écoute votre débat depuis tout à l'heure et je ne comptais pas du tout intervenir. Je pense que j'ai fait une mauvaise manip. Néanmoins, c'est intéressant. Je vous passe le bonjour à tous, mais là, techniquement, j'ai vraiment rien à dire. Donc, je ne vais pas meubler pour rien. Et je continue de vous écouter. Ok, ça marche. Je coupe mon micro, je ne sais pas pourquoi il est débranché. Enfin, je ne sais pas pourquoi il est activé. Il y a une question d'une personne qui se chatte et se demande par contre si vivre dans le dom-tom c'est vraiment un rêve ou plutôt un cauchemar de nos jours. Et est-ce que vraiment vivre là-bas c'est vraiment très très dur? Pour prendre l'exemple de la Réunion, tout dépend si la personne peut s'adapter au climat. Par exemple, tu n'as que deux saisons et des hivers. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des cyclones. Lorsque j'y étais allé il y a trois semaines, il y a eu deux cyclones qui sont passés tout près. Et mine de rien, c'est une autre manière de vivre aussi. Par exemple, la bougie, ne pas forcément avoir son confort à tout moment. Donc je pense que c'est plus une question d'adaptation que chose, quoi. Point de vue économique, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment cher ou pas? Ton micro aussi, Wanasdra, il va falloir régler. Ah bon? Ah ouais. Ah. Ok, je coupe mon micro de ce cas. Alors, pour te répondre, alors oui, c'est cher, mais en conséquence, tu as des salaires qui sont assez intéressants aussi, quoi, tu vois. Par exemple, mon père est enseignant. Il gagne plus que s'il avait travaillé en métropole, mais c'est parce que forcément la vie coûte plus cher là-bas. Ouais, alors, petite précision quand même, ça c'est surtout valable pour les fonctionnaires. Oui, c'est vrai. Après, je connais pas dans le privé, mais je pense que tu dois forcément avoir un équilibre entre, pour un fonctionnaire justement. Entre ce que tu payes et ce que tu gagnes à la fin du mois. Surtout que pour la fonction publique, il y a eu une politique vraiment déterminée de faire revenir les gens originaires de ces dom-toms dans leur lieu d'origine. C'est-à-dire que s'il y avait un poste qui se libérait, au commissariat de Pointe-à-Pitre, eh ben, si on doit faire venir quelqu'un de France, on faisait venir en priorité un Antillais. D'accord, mais ça c'est dans les textes parce que par exemple dans la gendarmerie, t'as des critères vraiment spécifiques pour pouvoir intégrer une unité, tu vois. Et je sais pas vraiment si t'as des textes qui disent voilà, enfin ou alors c'est appliqué plutôt de manière officieuse, par exemple. Je te le confirme, dans la fonction publique, c'est la politique. Alors après, c'est quand on trouve, parce qu'on ne trouve pas d'Antillais à tous les postes de formation, etc. Mais quand on trouve à équivalence un Antillais à un métro, on fait revenir un Antillais. D'accord. Et justement, tu parlais à Fred pour ça, c'est que, comme j'ai dit à mon pote, La Réunion, c'est une île qui est toute petite. On ne parle pas de Madagascar, tu vois. Et il m'a dit, justement, c'est ça notre particularité, c'est que l'île Maurice, la Réunion, on n'est pas un semi-continent, comme, enfin, entre guillemets, au niveau géographique, comme Madagascar. Et ce que tu me dis, c'est intéressant, parce que mon ancien chanteur me disait, il a un demi-frère qui est informaticien à haut niveau, justement. Et il a dit, tout simplement, c'est que... En fait, la Réunion est une pour lui, est une succursale de la France, parce qu'elle est gérée quand même là-dedans, mais je suis obligé d'aller à Paris pour faire mes études vraiment de programmeur, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que tu n'as pas des études à pousser. Tu auras juste le strict minimum en termes d'études, donc bâtiment, informatique, mais pas aussi péchu qu'il peut y avoir en métropole, mais ce qui manque justement, ce sont des spécialités. Et je pense que pour qu'il y ait des formations vraiment pointues, il faudrait avoir derrière des autres entreprises qui puissent embaucher. Par exemple, si demain tu sors 30 ingénieurs en sécurité info par promotion, est-ce que derrière... à chaque année, tu auras 30 boîtes qui peuvent prendre justement ces... Regarde la géographie de la Réunion. C'est une toute petite île, on est d'accord. Oui, c'est vrai, exactement. Et on pense aux pitons, voilà. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait à peu près... pardon, excusez-moi. Vous disiez qu'il y avait à peu près 800 000 personnes, c'est ça, sur la Réunion, c'est ça? C'est ça, à peu près, oui. Et d'après toi, en fait, là, tu me dis que toi, tu es dans l'informatique et qu'il y a donc il y a un problème à ce niveau-là, au niveau des études. Mais d'après toi, sincèrement, il y aurait besoin de quoi le mieux pour pouvoir développer l'île comme genre d'étudiant? Vaudrait pas mieux des ingénieurs pour développer, en termes énergétiques, des éoliennes, je vais dire des conneries, hein, des éoliennes, des trucs comme ça, des nouvelles techniques agronomiques liées à l'île. Non, c'est pas des savoirs en termes des nouveaux savoirs en termes océaniques qui pourraient en fait servir la France en termes de technologies nouvelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles universités à créer et directement liées à ces pôles en fait particuliers que sont les dom-toms? Peut-être. Là, c'est une piste. Mais carrément. Ouais, carrément, je suis d'accord. Après, voilà. Enfin, comment dire autant tu peux très bien créer de comment dire, des formations dans tout ce qui dit formation, tu sais, mais de courte durée, et ça, les RSME le font très bien. Après, lorsque c'est poussé, tu dois avoir des formations qui sont prévues, certes, mais de la recherche aussi derrière, quoi. Par exemple, si demain tu ouvres 4 ou 5 classes dans tout ce qui dit océan, enfin l'or bleu, est-ce que tu auras les entreprises pour pouvoir les prendre? C'est un tout. Il faut, moi, quand je te parle de qu'est-ce que toi tu penses qu'il devrait y avoir, bien entendu, il faut prévoir le tout. Moi, quand je te parle d'université, je te parle même aussi de pôle de recherche, parce qu'il va falloir aussi un prolongement à ces études. Donc, c'est quand on parle de développement, on parle de développement total. On ne parle pas juste de mettre un truc et puis après de laisser les gars dans la nature. D'ailleurs, on parlait de corail, justement, qui sont peut-être en voie d'extinction à La Réunion. T'as quelle connaissance là-dessus? Alors d'abord, Mathieu, oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Après, par rapport au coraux, il est vrai que tout ce qui dit tourisme, ça gâche, enfin, comment dire, ça te casse pas mal tout ton écosystème. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que à La Réunion, tu as un gros lobby du surf. Donc, ça montre quel est le poids de l'industrie du tourisme. Mais là, maintenant, j'ai pas de. Qu'est-ce qu'il me dit c'est pas mal, comment dire, de zone où tout le coraux était blanc, mort, quoi. Enfin, sans nuance de couleur et de particularité. Lui, il m'a dit qu'il y avait des touristes friqués et que, grosso modo, ils en avaient rien à foutre, ils foutaient le pied dessus. Enfin, voilà. j'ai une question pour Fred et Yamoko. Je voulais savoir si vous avez, comme chez nous, là, dans les grandes métropoles, des problèmes avec la jeunesse, tout ce qui est délinquance, et, entre guillemets, voilà, tout ce qui est racaille, est-ce que vous avez à peu près le même problème que nous ? Ah bah, pour la Guadeloupe, c'est pas quand même un problème, c'est sûr. Ah, je confirme, moi quand j'y suis retourné, j'ai été choqué. Hein. C'est ça que tu veux dire? Ah, mais c'est les plus dangereux, je crois. Ouais, c'est ça, on est les départements les plus criminogènes, je crois, hein, de France. Hein. Mais ça, Guyane, c'est la Guadeloupe, je me semble bien. Guadeloupe et Guyane, hein, le top. Je crois que c'est ça. Oui, c'est la Guadeloupe, il me semble, c'est le plus criminogène de France. Alors, j'ai mis une carte à l'écran pour montrer un peu le triangle donc formé par Mayotte, La Réunion et l'île beaucoup moins connue de Bassas da India, voilà, qui est aussi une île française. Et donc, vous le voyez à l'écran, vu la configuration géographique, vous voyez, des trois îles, ça nous confère quand même un sacré avantage géostratégique qui presque on contrôle le canal du Mozambique, quoi. Comprendre un peu l'intérêt stratégique énorme que ça peut représenter. Voilà, on me dit les Kerguelen aussi. On peut aller voir les Kerguelen. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu plus bas. Voilà, il y a des îles. Je vais les trouver. Et Google est ton ami. Voilà. Pof, les îles Kerguelen. Voilà. Donc, vous voyez à peu près où elles sont placées. Elles sont vraiment au sud de la Réunion, voilà, terre australe française, voilà. D'ailleurs, je confirme, la terre est ronde, hein, sur Google. Non, c'est un ellipsoïde. Ok, oui, c'est un ellipsoïde. Donc vous avez vu, cette position quand même géostratégique est quand même assez incroyable, de penser que c'est la France qui on contrôle cette zone, complètement. C'est en ça que c'est absolument indispensable quoi pour la France, c'est pas discutable. Et en quoi c'est indispensable? Bah, parce que Xariant, j'ai l'impression que les Français, alors là je m'avance, hein, mais moi, pour moi, la France, c'est comme disait De Gaulle, il y a toujours l'idée de la grandeur. Et une France qui se sent bien, c'est une France qui est dans la grandeur. Sinon, c'est un pays, j'ai l'impression, qui est névrosé. Alors, ça, c'est mon opinion, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, bah, moi, je pense que tu connais déjà ma réponse. Non, je pense que la France est un pays comme tous les autres, et qui doit rester humble. Ça ressemble à un hexagone, et puis voilà. Parce que pour toi, Xariand, il n'y a aucun... C'est-à-dire que tu sais concrètement, par exemple, si on perd la souveraineté de ces îles, on perd un énorme avantage géostratégique, clairement. Bah, ça, je m'en rends bien compte, mais bon, après, dans une utopie où le monde est pacifiste, et que personne n'a envie de bouffer personne, voilà. À un moment, moi, je pense que je ne vis pas dans une utopie, je vis dans le réel. Et le réel. Donc toi, tu veux faire la guerre à tout le monde, oui. Non, c'est pas la guerre. Il y a un moment, c'est prévenir la guerre, c'est aussi prévenir les moyens de la faire. C'est avoir les moyens de la faire. Comme ça, il y a les moyens de coercer. Enfin, de. À un moment, si t'arrives à la table et que t'as pas et que tu pèses pas, c'est humain. Et c'est humain où que tu ailles dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un peu de la paix prépare la guerre. Hein. Voilà. Alors, il y a un moment donné, je vais mettre un deuxième pied dans la mare. Tant qu'à faire. Moi, je trouve et j'affirme presque que les Réunionnais, les Antillais et les Guyanais, donc qui sont dans les DOM depuis leur création, donc après la Seconde Guerre mondiale, ont quand même démontré qu'ils étaient extrêmement beaucoup plus assimilés que même certains descendants d'origine africaine qui sont nés en France. Ah, merci. C'est indiscutable. Il n'y a pas que quelqu'un le dise, hein. Et on a une histoire particulière. Si on a une histoire particulière avec des contrées éloignées, c'est les dom-toms. C'est, y a pas, on en a pas, on en a une avec l'Algérie, mais ça a rien à voir. On en a une avec d'autres, avec le Maroc, ça n'a rien à voir. On en a une avec des certains pays subsahariens, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une création. Les autres, c'est des conquêtes. Donc, pour toi, c'est le meilleur exemple de la colonisation, de la bonne colonisation, quoi. C'est ça. Alors, justement, non, c'est pas de la colonisation. Tu me permets de faire une petite remarque. C'est que ces dom-toms, et précisément les dom, sont réellement des héritages de la France monarchique, c'est-à-dire on a fait naître des territoires, et ne sont pas des véritables héritages coloniaux, c'est-à-dire de terres qui ont été vraiment conquises, qui étaient très installées, etc. C'est quand même le reste de l'Empire, mais l'Empire chrétien, catholique, on va dire monarchique ou royal de la France, et pas tellement de l'Empire républicain. Bien qu'il reste des exemples dans l'Océanie où ça c'était la République, mais ça avait commencé sous la monarchie. Ouais, c'est donc beaucoup plus profond que ce qui s'est passé après en Afrique, quoi. Exactement. Ça remonte à beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, pour info, à cette époque, les Antilles, ça s'appelle le Royaume d'Occident. On avait déjà un nom à l'époque qui était différent. C'est finalement tout un pan de l'histoire française qu'on aborde très peu. Ouais. Oui, peu. Oui, oui. Trop peu. Pour certains, il y a des héros, il y a des. Il y a des héros, il y a des généraux, il y a des figures de l'armée qui viennent de ces contrées, quoi. Ben ouais, ben Dumas, il était martiniquais, je crois. Voilà. Il y a une philosophie qui est aussi qui est née de ces contrées. Parce que justement, l'esprit français, pour moi, s'est mué d'une autre façon et a créé d'autres choses à travers ces contrées. Mais de la plus belle des façons. Et on a abandonné ça, quoi. Il y a les peintres, je vous rappelle que pour certains bords politiques, la France n'est qu'une création de 1789. Hein. Donc, techniquement. Oui. Voilà. Alors là, on rentre après sur quelque chose qui est une distinction entre. C'est vrai, Xarian, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que certains d'hommes, et justement précisément les d'hommes, étaient là avant 1789. Exactement. Alors la France existait oui, avant. Ça remonte avant. Bah, dans l'absolu, je pense que si, par exemple, donc on va parler de l'immigration, s'il n'y avait jamais eu cette immigration de masse et ce dumping social volontaire, en ramenant donc des Nord-Africains, l'assimilation ou les échanges qu'il y aurait eu avec les drômes et la métropole, il n'y aurait jamais eu de. On ne serait jamais posé de questions. Quoi. C'est comme ça, et puis voilà. Aujourd'hui, on se pose ce genre de questions. Ouais, mais c'est un peu bizarre, c'est que la réponse, tu nous dirais, faut se débarrasser des dom-toms parce qu'on est soumis à une invasion migratoire conséquente sur le territoire métropolitain. Alors que c'est peut-être pas la réponse. Faut peut-être combattre l'invasion sur le territoire métropolitain, tout en conservant les DOM. Parce que on va pas dire qu'on est envahi par les DOM, quoi. D'intéressant, c'est que la grande différence avec l'invasion métropole et les DOM, c'est la religion. Excusez-moi de faire progresser ma pensée en direct. Mais pas du tout, mon ami. Mais pas du tout. Mais pas de souci. C'est bien qu'il y ait de la contradiction, tu sais. Donc c'est bien. Il y a pas de souci. Bah, c'est marrant parce que la religion, Saboulé, comme tu dis, c'est un lien qu'il y a entre les dom-toms et la France. Mais Mayotte, par exemple, qui est un département d'outre-mer et qui demande à ce que la présence française soit amplifiée, bah, finalement, est 99% musulman. C'est vrai pour Mayotte. Tu veux nous placer l'islam, absolument. Bon. Non, pas du tout, mais je trouvais ça intéressant à remarquer, quoi, que ce soit Mayotte qui appelle à l'aide, alors que finalement, voilà, quoi. Oui, c'est vrai. Mais justement, c'est vrai. Justement, moi, je pense que c'est pas la religion, c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul facteur. Donc, les Mayorais, ils sont pas maghrébins. Ils sont pas, c'est pas du racialisme, c'est pas raciste non plus, mais c'est pas qu'une question de religion, c'est un tout. Comme quoi, pour Mayotte, on pourrait dire que c'est justement le facteur culturel qui est déterminant, puisque les Mahorais sont de la même ethnie que les Comoriens, ils appartiennent aux mêmes îles, donc ethniquement, c'est le même groupe. Seulement, eux, ils ont fait un choix politique extrêmement différent. Ils ont dit, nous, on veut rester français. On se sent français, on veut rester français. Quand bien même, ils seraient musulmans. Et, là, ils se sentent plus proches des Français que des Comoriens. Voilà, je veux dire, c'est les mêmes ethnies. Donc, du coup, ce qui les différencie profondément, c'est la culture, évidemment. Parce qu'en plus, quand on connaissait les Mahorais s'expriment beaucoup mieux en français, etc. Ils sont assimilés. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt. C'est le panafricanisme qui titille un peu les dom-toms un peu sur les vieilles rancœurs. J'ai l'impression que ça prend, là où ça prend le plus, c'est les Antilles. Et vu qu'il y a, c'est Yamaki, je crois, qui vit là-bas. Moi, je me suis demandé, dans le cas des Antilles, si c'est pas que l'emplacement qui joue beaucoup. Parce que quand j'étais là-bas, je pense que c'est même les Caraïbes de manière générale. Ils sont vachement influencés par la culture afro-américaine. Parce qu'en Réunion, on a beaucoup moins ces pensées-là. Bah, ah, bah, ils ont la même histoire. Ah, bah, vas-y, Mickaël, vas-y, je te répondrai après. Vas-y. Bah, les habitants des Antilles françaises, les Noirs donc, qui vivent là-bas, ont la même histoire que les Afro-Américains. C'est vrai. Enfin, à quelques différences. Pas tout à fait. Pas à 100%. Dans les années 60, les Antilles vivaient pas la même chose. C'est vrai qu'il y a des points communs. Voilà, la déportation, l'esclavage, etc. Oui, oui, non, mais bien sûr qu'il y a des points communs, mais l'évolution n'a pas été la même. Ah, ouais, bien sûr, parce que de toute façon, l'esprit anglo-saxon et l'esprit français n'a jamais été le même. En France, c'est l'assimilation, et les anglo-saxons, ils sont plutôt sur chacun sa race, chacun son ethnie, chacun alors... son... C'est intéressant, mon cher Yami Ekyo, je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat. Aux Antilles, il y a quand même, il faut bien le dire, un racisme anti-blanc qui est assez présent. Mais pas que, c'est en fait, excuse-moi de te couper, c'est raciste anti-français, parce que j'ai un ami d'origine, je crois qu'il était du Mali, c'est un français, mais ses parents étaient là-bas. Il est parti un an en Guadeloupe pour ses études. Pour la première fois de sa vie, il a vu le racisme alors qu'il est noir et on le traitait de sale français. C'est pas tant anti-blanc, c'est vraiment... Il y a un point quand même d'accroche avec les blancs sur le... C'est-à-dire que la question raciale est encore extrêmement prégnante aux Antilles. Moi, je me rappelle qu'aux Antilles, ils organisent le tour de la Guadeloupe, le tour de la Martinique en vélo. Et quand il y avait des participants qui venaient de métropole... les gens bienveillamment, tu sais, ils t'arrosent avec de l'eau, tu sais, les coureurs qui, enfin les cyclistes qui passent. Et quand c'était des blancs, on leur jetait du vinaigre. C'est pas très sympa. Mais c'était peut-être pas tous les Antillais. Enfin, je pense que non. Mais ce sont des gestes quand même que j'ai vus aux Antilles. Je ne peux pas le nier, ça existe. Oui, ça existe. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que c'est pas tout simplement un rejet du métropolitain? Même au-delà du blanc, parce que les Guadeloupéens qui s'exilent en métropole et qui rentrent pas sont mal vus aussi. Parce qu'ils sont patriotes aussi, parfois c'est mal vu, mais je sais pas, j'aimerais qu'Yamiko y réponde là-dessus, parce que est-ce que c'est vraiment tant majoritaire? Parce que souvent, c'est ceux qui font le plus de bruit, sont pas forcément les plus nombreux. C'est exactement ça, tu as tout résumé avec ta dernière phrase. C'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, c'est lié à la métropole, c'est pas lié à la couleur de la peau. Parce qu'une des catégories de blancs que tu n'es pas oublié dans sa description, au-delà des béquets, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les blancs pays, qui sont en fait souvent des métropolitains, mais qui ont fondé une famille là-bas, et leurs enfants sont là-bas. Donc en fait, ils sont là-bas, ils sont les Guadeloupéens depuis quelques générations, et on les appelle les blancs pays ou les blancs créoles. Donc ces gens-là, ils sont les dissocient pas de nous. C'est des créoles. Je suis pas plus créole qu'eux. Parce qu'en fait, c'est pas une question de couleur, être créole. C'est une question de culture. Tout à fait. D'ailleurs, je confirme, moi, je suis un métropolitain du point de vue antillais, si je vais là-bas. Bien qu'on me prenne pour un antillais, mais bon, c'est assez compliqué. Donc, les pays ne sont pas de la culture. Pardon? Ah, pardon, ça veut dire, Je disais, ouais, les béquets ne sont pas considérés comme des créoles, alors ? Non, c'est pas... Les béquets, ils sont pas en créoles, ils sont dans les Antilles, c'est ça ? Ouais. Oui, ils sont dans les Antilles, donc il a spécifié une troisième sorte de blancs, parce qu'il y a les blancs métro, donc, qui viennent de France, les béquets, qui sont les descendants des blancs colons, mais ceux-là, ils sont là depuis plusieurs siècles aux Antilles, et les blancs pays sont des blancs de métropole venus s'installer récemment et qui sont restés aux Antilles. Non, on pourrait les, leur surnom, les troisième génération, quoi. Ouais. Voilà, ouais, ouais, grand blanc, tu vois. Franchement, Francky Vincent, à la rescousse. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin, moi qui ai 31 ans, je me posais même pas cette question à 20 ans. Tu vois, c'est un truc de malade. Bah, c'est-à-dire que, pourquoi je dis ça ? Parce que pourquoi en plus ce débat, il arrive un peu aussi en ce moment ? Parce qu'il y a un vent d'indépendance qui souffle en Guyane, où j'ai vu plein d'articles paraître depuis la crise en Guyane, où on parle de l'indépendance de la Guyane. Il y a même un drapeau aujourd'hui, un drapeau guyanais, chose qui n'existait pas, hein, je le confirme, il y a une vingtaine d'années. Je ne connaissais pas ce drapeau guyanais, c'est vraiment très nouveau. Et j'ai vu la même chose pour la Nouvelle-Calédonie, avec aussi, on sait qu'il va y avoir un référendum normalement, donc c'est en novembre de cette année, donc on va suivre ça avec intérêt. Ou c'est pour ça que j'aurais bien aimé que School puisse parler, puisque lui il est là-bas, et de savoir un peu c'est quoi le projet, mais ça a été adopté par la Chambre néo-calédonienne, donc pour demander l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, comme ça avait été négocié dans les accords de Matignon par Rocard en 90, qui avait mis fin justement aux événements Nouvelle-Calédonie, la décennie 80, qui a été chaotique là-bas. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et sachant aussi au même moment, on a l'ONU qui a sorti une directive sur la Polynésie en expliquant que c'était le dernier endroit colonisé de la planète. Donc qu'il fallait décoloniser cette zone. Et il parlait de la Polynésie française. Donc moi je vois ça, certainement avec un autre œil, mais comme une attaque encore contre la France, pour la couper, lui faire perdre tous ses départements d'outre-mer et redevenir une puissance moyenne européenne, quoi. Franchement, et les migrants seront toujours là, hein, je le dis. Franchement, je crois qu'ils seront bientôt arrivés. En fait, comme j'ai dit, à part la nation, on n'a plus d'identité. Mais vraiment, on n'a plus aucune identité, à part la langue, la culture française. La nation est morte. La nation de France, je dis pas française, mais de France est morte. Il va falloir faire quelque chose, vraiment. Oui, mais seulement ce que tu dis, la nation de France, alors. À ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la France a été le pays, vraiment, pour moi, au niveau géographique et au niveau des ethnies, des communautés et tout, qui s'est fait pendant plusieurs milliers d'années. La nation de l'Hexagone, alors ? Non, oui, mais entre autres, mais pas que. La France actuelle, tu peux pas. Enfin, en fait, on est vraiment le pays de. On sait quelles sont nos origines, mais pas vers quoi on va. C'est vrai, simple. La France, c'est le paganisme, le catholicisme. Terminé. Pour moi, c'est ça. Pour moi. Terminé. On est la région du monde qui, justement, c'est le seul pays au monde, ce petit bout de terrain, qui a autant de... Je sais pas comment dire... De diversité, mais au sens ne serait-ce que géographique, culturel et tout. Seulement, notre gros problème... c'est qu'on n'est pas capable de dire non. C'est-à-dire, ok, il y a des immigrés qui arrivent, ok. Ils font ce qu'ils veulent, ok, il y a le féminisme, ok. On n'est pas capable... Là, pour le coup, je dirais que c'est tout l'Occident, enfin, l'Europe de l'Ouest qui n'arrive pas à dire non, c'est pas la France. Hein. Oui, mais la France, je sens, moi qui est franco-français, et pourtant je suis plutôt du côté savoyard, c'est-à-dire, j'ai certainement des origines d'Europe de l'Est. D'ailleurs, j'ai fait mon arbre généalogique, je le pense. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on a une espèce de durite à faire péter. Mais si on explose, ça va pas aller comme un Reich. C'est que, en fait, on est vraiment, je le redis, le pays de la liberté. Si ça s'appelle France, si ça s'appelle Marianne, si ça s'appelle patrie, c'est-à-dire patrie, en fait, ça n'a aucun sens, hein, parce que tu dis matrie ou patrie, parce que patrie, ça veut dire patriarcal. En fait, c'est la mère France qui est là, avec un système patriarcal. Il y a une raison fondamentale là-dedans. La mère France, c'est une définition assez chrétienne, en fait, de ce que tu peux faire de la France. Oui, Mathieu, justement, pour finir là-dessus, on est vraiment avec l'Europe de l'Ouest, certes, même l'Europe en général, mais la France, une particularité, c'est qu'on a adopté une mentalité sémitique qui explosait toutes les conventions méditerranéennes, sémitiques, c'est-à-dire Jésus, avec le paganisme. Et c'est ce qui a créé le christianisme, mais vraiment. Et le catholicisme. Je suis d'accord. Je recadre le débat, tu vois, justement, parce que là, sinon, on digresse trop. D'accord, justement, tiens, par rapport au catholicisme, tiens, une petite remarque. La plupart de ces territoires sont chrétiens, à part Mayotte, évidemment, mais la plupart... Bien plus qu'en métropole. Oui, ils sont très chrétiens. Et d'ailleurs, tiens, je vais mettre le deuxième P dans la barre. Si les Antillais, les Réunionnais, justement, tous les gens de ces DOM, précisément les DOM, plus que les TOM en plus, sont vraiment assimilés à la France, j'ai l'impression aussi que les Français, là pour le coup de métropole, ont aussi assimilé ces populations comme faisant partie de la France. Est-ce que je me trompe ou là-dessus ou pas ? Bah, pour moi, c'est ce que je soutiens. Moi, pour moi, j'arrive pas à créer. En fait, si on me demandait, pour moi, c'est une logique. Quand on sait, il n'y a pas à se poser la question. Encore une fois, c'est logique qu'il soit français. Tout simplement. Non, mais c'est-à-dire, je le remarque bien, et précisément, c'est pour ça que j'ai dit les DOM et tout, que c'est vraiment assimilé dans un sens comme dans l'autre. Je pense que oui, parce que en général, les Français distinguent bien. Les Antilles et les DOM de manière générale, les personnes qui viennent des DOM avec les migrants africains. Moi, je vois par exemple ma famille, du coup, de ma mère côté blanche, ils n'ont eu aucun problème quand ma mère a fait sa vie avec un Antillais. Et plus tard, quand ensuite elle a fait sa vie avec un Sénégalais, c'est un petit peu plus coincé. Pour eux, c'est pas la même chose. C'est vrai, je confirme. Moi, en 10 ans de vie là-bas... D'où cette assimilation, ouais. Vas-y, Mikouyon, vas-y. Moi, en 10 ans de vie là-bas, je ne suis jamais senti rejeté par un métropolitain. La question s'est jamais posée, est-ce que j'étais français ou pas. Et bizarrement, en fait, les seules personnes qui me constatent pas comme étant français, c'était des étrangers. Et souvent, des étrangers venant de pays très francophiles ou très europhiles, mais en général... comme des pays d'Amérique latine, comme le Venezuela, par exemple, ou le Liban au Moyen-Orient, ou au Proche-Orient, je ne sais plus où c'est exactement, ou certains pays d'Asie. C'est comme Topat, tu avais dit une fois, je ne sais plus qui tu avais interviewé, mais en parlant de Thierry Henry, par exemple. He's so French. Tu vois, il y a ce truc. Ah oui. Il y a cette petite étincelle. Tu le sais quand il est français. C'est pour ça que moi, je ne peux pas être raciste ou racialiste. Il y a quelque chose, tu le sais, quand c'est français, tu le sais. Bah, justement, Thierry Henry, un Antillais, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence, justement, entre ces gens qui viennent des DOM et qui sont extrêmement assimilés à la France dans leur façon de vivre, dans leur culture, même s'ils ont un particularisme régional, mais qui est né de la France aussi. Et pareil, dans l'esprit des Français blancs, qui assimilent que ces populations-là font partie de la France aussi. C'est ça qui est extraordinaire, quand même. Parce que les Français pourraient très bien aussi avoir eu une réaction d'ultra-rejet en disant « Ben non, mais c'est rien à voir avec la France, c'est pas la France, etc. etc. » Et c'est pas du tout le cas. Bah, t'es pas... Tu vois, quand j'ai vu que tu as invité d'adolescents chez toi, j'ai compris, tu vois. C'est que Delessia, il a beau parler de congoïdes, de caucasoïdes et tout, tu vois que c'est pas là que ça se situe, tu vois, t'as compris. C'est que il y a quelque chose derrière. Je sais pas comment dire, c'est que Delesquin, il est dans un... En fait, il hérite de la noblesse, en fait, il essaye de faire ce qu'il peut avec le monde dans lequel il vit. Pour moi, c'est comment je l'ai compris. Et il l'a compris. Enfin, je sais pas comment le dire. Il parle de racialisme et tout, mais il a compris que c'est pas là que ça se situe. Enfin, j'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Tu vois. Je pense que le problème de... Enfin... En toute humilité, hein, parce que M. Delesquin est quand même, voilà, on peut ne pas être d'accord avec lui, il a quand même certains arguments. Je pense qu'en fait, c'est l'erreur qu'il fait, c'est de réduire en fait le problème à l'aspect racial. Et il en fait du racialisme. En fait. Et mais c'est justement, c'est pas, il le comprend parfaitement. C'est pour ça, à chaque fois que je me prends la tête avec tout le monde, avec les extrêmes gauche et les extrêmes droite, c'est que tu ne peux pas vivre en dehors de ton temps. C'est terminé. Il y a un moment donné, il y a la nature, il y a la réalité. Ok ? Je veux dire, un tata, il est clair. Un carton, il est clair. Quand on me dit racialiste blanc, moi, je dis ouais. Ok, blanc. Ça veut dire quoi, blanc, pour toi ? Moi, je sais ce que veut dire blanc. Je peux te donner des Scandinaves avec des nez de cochon, tu vois. Mais c'est plus qu'on n'est plus dans ce monde-là, putain, mais vous allez vous réveiller, putain. Tu sais, et même quand je vois des théories afrocentristes noires, comme disait pas Charles Quint noir, à un moment donné, il faut se réveiller, tu vois. Il y a la réalité qui vient là-dedans. Tu vois. Oui, puis je pense aussi que la majorité des Français blancs n'adhérera jamais à cette façon de penser très, très raciale. Hein. Non, mais écoute, c'est quoi blanc pour toi ? C'est quoi ? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français blancs, en fait, ils étaient prêts à accepter justement l'existence de ces Français non blancs, mais dans le cadre justement de cette France d'homme-tom et tout, que ça était cohérent. Or là, c'est sûr qu'on n'est plus du tout dans ce schéma-là, mais. Non. Quand même, ce schéma-là est accepté, tellement accepté que même, voilà, Camille Hucot, il nous dit, voilà, les gens font des différences entre un Antillais et quelqu'un qui débarque d'Afrique, c'est évident. Oui, bah, c'est clair. Ouais. Et donc, alors, à Mayotte, qu'est-ce qui fait des personnes qui vivent à Mayotte des Français ? Ou les personnes qui sont nouvellement Mayotte, je sais pas comment on les appelle. Actuellement, les Mahorais. Les Mahorais. Les Mahorais, donc les nouveaux Mahorais là, d'aujourd'hui, là, qui ont eu des papiers aujourd'hui, qu'est-ce qui fait d'eux des Français ? Comme disait Pacito, ça semble, et ils disent. Bah, ceux qui sont sur l'île originellement depuis longtemps, eux, ils se sont assimilés au système français. Ceux qui posent problème à Mayotte, c'est les 40% de l'île qui viennent des Comores et qui, eux, ne veulent pas s'assimiler à la France. Et en plus, ils n'ont pas de papier et ils sont délinquants. Et ils s'entendent pas entre eux, d'ailleurs. Bah, c'est le même problème qu'en métropole, une fois encore. Hein. C'est quelle est la légitimité des migrants arrivés en métropole qui ont des papiers comme ça à l'appel ? Aucune. C'est pareil. Aucune. Ça repose sur la même stratégie. Ah bah ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Et le pire... Mais c'est que dans ces contrées-là, et même en Guyane, eux, ils en ont rien à foutre. Quand tu leur dis remigration, ils vont te dire oui, ils veulent dégager les étrangers qui n'ont rien à voir avec le territoire, qui ne sont pas les habitants originels, parce qu'ils se sentent submergés, hein, de la même façon. Attends, on a même entendu Christiane Taubira de parler d'invasion en Guyane et que la population autochtone était en danger, en voie de remplacement. C'est extraordinaire. Christiane Taubira. L'ironie. Mais je pense que c'est parce que... Vas-y, Nice. Ouais, non, je pense que si eux, ils ont beaucoup moins de mal à parler de réémigration, c'est parce qu'ils sont pas dans l'ethnomasochisme qu'on peut voir en métropole. Bon, peut-être plus simple. Tout simplement parce que à un moment donné, il faut de la testostérone, je suis désolé. Que soyez hétéro ou homo, il faut faut des couilles et dire ok, on est d'accord jusque là, mais après sinon ça pète. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas un facteur où on ne peut pas leur reprocher juste vous êtes blanc et vous voulez nous virer? Alors ça, c'est le côté féminin, je suis désolé. À un moment donné, il faut mettre des limites, je suis désolé. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout autoritaire ou sévère. Mais à un moment donné, pour gérer un ensemble de populations, tu es obligé de mettre des limites. Et ces limites, elles ne sont pas liées à l'émotion, elles sont liées au pragmatisme. Terminé. Oui, donc tu n'as pas compris ce que je viens de dire, en fait. Je dis, là-bas, le problème, en fait, c'est au-delà du fait qu'il y a plus de testostérone, c'est aussi qu'ils ont peut-être la légitimité de ne pas être blancs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rapport, tu ne peux pas être blanc. Bon, ben. Bah parce qu'un blanc en métropole qui dit qui parle de grand remplacement, c'est la fin du monde. Quand Taubira en parle, pour la Guyane, elle se fait pas lyncher. C'est exactement. C'est l'époque qui fait ça. C'est l'époque qui fait ça. Ah bah oui. C'est pour montrer à quel point c'est inversé, oui. C'est inversé. C'est-à-dire le même problème que subit la métropole par l'invasion migratoire, remplacement de population, chose extrêmement raciste, etc., connoté, extrême droite, etc., quand tu l'évoques en France, elle a pu l'évoquer pour sa région de Guyane sans absolument choquer personne. Je veux dire, j'ai pas vu de grandes déclarations ou des gens s'offusquer ou quoi que ce soit, rien du tout, absolument pas. Ouais, mais donc on fait bien le distinguo entre les blancs et les noirs pour ça, tu vois. Exactement, ça confirme ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, un blanc qui manifesterait, l'idée que son territoire est sous une invasion et que c'est pas normal et qu'il voudrait se battre contre, immédiatement, c'est presque la mort sociale, etc. Racisme, extrême droite, enfin, on connaît tout le truc. Alors que pour un noir, c'est accepté, c'est toléré. D'ailleurs, comme tu expliquais, moi, ça, c'est un truc que je savais pas, que la Guyane était coupée en deux pour que les autochtones qui étaient là à la base puissent continuer à avoir leur culture, etc. Nous, on n'a pas ces considérations-là avec nous, quoi. Nous, on met pas de frontières. Oui. Nous, c'est on prend plus soin des Indiens Camopi que le paysan du Berrichon. Oui. C'est clair. Après, ça c'est le mainstream mondial aussi. Hein. Et dans le mainstream mondial, on considère aujourd'hui que le blanc, c'est le paillasson de l'humanité. Tout est de sa faute. Mais pourquoi c'est le paillasson de l'humanité? Ben c'est un truc de fou. Pourquoi c'est le paillasson de l'humanité? J'aimerais savoir pourquoi. Franchement, moi qui suis blanc de blanc, pourquoi? On vient un peu t'expliquer un des éléments qui peut te donner une réponse là. Toutes les ethnies méritent de la considération. Là, tu fais un peu d'écho harmonique. J'ai pas fait d'écho, alors je te le dis. Si, ton micro allumé, ça fait de l'écho. Oui, de l'écho, non, je pensais que tu parlais d'économie. Enfin. Ah non, non, non. Non, non, non, de l'écho, ECHO. Je suis trop fort dans le micro. Non, c'est que ton micro, il reste allumé pendant qu'il parle, et du coup, il y a un retour, voilà. Voilà, là, c'est bon, vas-y, ça, c'est bon, vas-y. Pour revenir au dom-tom, bon, je suis d'accord avec vous, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Voilà, bon, on connaît l'importance, il y a une importance stratégique, etc. Et c'est vrai qu'on entend souvent des gens dire, dans l'état actuel des choses, que ces territoires coûtent très très très cher. Alors, est-ce qu'il faut leur donner leur indépendance pour éviter qu'en France ça se passe qu'on subisse ces conséquences quoi de payer autant et de subir ce problème quoi. Un truc sur le truc YouTube, il y a un gars qui s'appelle Sharp Mortel, un momie qui est anti-blanc alors que je suis un blanc pure souche. Et il doit avoir 40 ans en plus. Non, j'ai 31 ans, je te le dis. Non, mais c'est un truc de fou, putain. Justement, on nous dit, tiens, que les Antillais, ils ont beaucoup participé, ce qui est vrai, à la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle et donc ils ont bravé les mers pour pouvoir rejoindre la France libre et se battre pour défendre la France. Voilà, c'est vrai qu'il faut le souligner aussi, ça. C'est vrai, moi je connais même d'anciens soldats. Je connais. Mais est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Mathieu. Je t'en prie, merci. Je voulais savoir en fait, parce que il y a quelqu'un qui a dit, il y en a qui revendiquent en fait leur indépendance. Mais ils se revendiqueraient de quoi alors? Parce que pour les dom-toms, ça va être compliqué. De quoi ils vont se revendiquer à part la France, de la France? Comment ils vont se définir? Ah bah, c'est une bonne question. Moi, même que je suis c'est une très bonne question, pas. Ça. Bon. Tu vois, c'est vrai, si vous voulez, je ne sais pas du tout de quoi. C'est absurde, en fait. C'est tout simplement absurde. C'est genre je pense que, en fait, d'un côté comme de l'autre, des deux, enfin, que ce soit du côté des indépendantistes ou du côté de ceux qui se réclament de dire que ces territoires-là, c'est la France, on met la charrue avant les bœufs, en fait. On essaye d'envoyer des noms d'oiseaux, un peu comme des noms d'oiseaux en l'air pour essayer d'attirer l'attention, mais en fait, on répond rien. Vous gardez le nom, Guadeloupe, Léa, et puis la France arrête de payer des sommes astronomiques. Donc, bon, c'est vrai que c'est dur ce que je dis. Il faut voir combien ça coûte. Ça reste c'est ce que j'entends toujours. J'entends toujours que ça coûte très cher. À vérifier tout ça. En fait, faut peut-être voir ça comme des Corses ou des Bretons ou des Occitans, là. des petits excités. Non, mais enfin, si un petit peu, c'est toutes petites minorités un peu qui se réunissent le soir, ils se bourrent la gueule et ils sont là, ouais, indépendance de la Corse, indépendance de la Bretagne, indépendance de l'Occitan, des Basques, de je ne sais quoi encore. Même question. En fait, c'est la même chose, quoi. C'est pas faux ce que tu dis. Alors, ce qui devient un peu plus problématique, c'est que t'as vu qu'en Corse, c'est des partis indépendantistes qui commencent à arriver dans l'Assemblée régionale, et il y a le même syndrome en Martinique. Ils ont élu un président autonomiste à la région. Oui, mais je voudrais ajouter à ça que, par exemple, en Corse, les gens qui commencent à voter pour le parti indépendantiste, au présidentiel, ils votent FN. C'est parce que, comme du côté de l'État, il n'y a rien qui bouge au niveau, on va dire, régional, ils se tournent vers les indépendantistes qui veulent relever le niveau. Je pense que la majorité d'entre eux, je crois qu'il y a un Corse sur 10 qui veulent l'indépendance, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu pareil en Martinique. Hein. C'est anarchique. C'est ce qu'on veut mettre en avant, mais je suis sûr que si on faisait vraiment un vrai sondage, ce qui est quasiment interdit en France de faire de vrais sondages, c'est la télé qui fait un focus sur eux, alors que la télé ne va pas faire un focus sur les Occitans, par exemple. C'est ça. Exact. C'est ça. Et peut-être que, bon, là, je sais pas, là, je m'avance, hein, c'est économique, mais si tout l'argent que donnait la France donc à l'Europe était redistribué finalement aux dom-toms, ça se passerait mieux pour eux, peut-être. Parce que, dernièrement, quand les Corses parlaient justement, quand ils ont refait, en fait, quand ils ont remis le débat sur la table, quand tu regardes entre les lignes, ils sont d'accord pour une forme d'indépendance, mais ils gardent quand même. Enfin, ce qu'il y a d'intéressant d'être français, tu vois. Ouais, les subventions, ouais. Voilà, ils savent ce qu'il faut jeter, quoi. Et voilà, ils voudraient prendre un peu ce qu'ils veulent. Ouais, et puis en plus, les Antilles, il y en a plein qui ne voudraient pas de l'indépendance, parce qu'il y a une île pas très loin qui l'a eue, ça s'appelle Haïti. Regarde à quoi ça ressemble, quoi. Bah, aux Antilles, moi, c'est ce que j'ai senti, c'est-à-dire que les Antilles, au fond, quand tu vas leur dire « Attendez, on va devenir indépendant », moi, je pressens que la majorité ne le veulent pas, profondément. Hein. Et que, pourtant, je sens quand même la volonté, tu vois, d'instiller ces idées-là dans les dom-toms et de répandre ces idées d'indépendance. Et pourtant, voilà, comme il disait Yamikyo, sur quelle base, sur quoi, c'est celui qui s'est posé la question, c'est la question la plus intéressante, c'est vrai. Comment, sur quelle base, de dire l'indépendance, d'accord. Alors, ça peut être le cas, par exemple, on parlait de la Polynésie, où là, ils avaient une espèce d'identité polynésienne très forte et précoloniale, et l'histoire est différente. Mais des territoires comme la Réunion, les Antilles, la Guyane, tout ça, ça a été complètement des créations françaises. Je vois pas d'autres mentalités. Alors, sauf Et c'est ça qui est intéressant à suivre, c'est pourquoi justement les panafricanistes, au nom de la race noire, c'est-à-dire sur un logiciel racial, vont se solidariser en fait de ces peuples, quoi, comme faisant partie d'un ensemble racial. Parce que je vois pas d'autres aspects, axes culturels pour eux à prendre, parce qu'effectivement, sinon ils sont français, quoi. Mais vous savez qu'en plus, on parle même pas de panafricanisme aux Antilles. Je pense même pas que les gens savent ce que c'est. C'est-à-dire, ils ont l'impression. Je pense que le postulat du panafricanisme, déjà, il tient pas debout. Parce que si on définit tout par la race, à ce moment-là, faut que tout le monde réimmigre en fait en fonction des zones géographiques du pays où il est censé être originaire. Donc c'est pas un concept à mon avis qui est viable et qui est même cohérent en fait. Bah c'est surtout que ça part du postulat que tous les noirs sont noirs et s'entendent entre eux, ils vont retourner en Afrique et ça va être la fête. Alors que en fait c'est pas du tout ça, hein. D'une tribu à une autre, les mecs ne peuvent pas se sentir. Ah ben les premiers à tuer le plus de noirs, c'est des noirs, hein. Les coups de machette, c'est pas les blancs qui les donnent. Hein. Tout à fait, et même historiquement, ça a commencé comme ça. Hein. J'ose pas imaginer des noirs quitter Pointe-à-Pitre, Fort-de-France ou Cayenne pour aller vivre à Bamako, Abidjan, Douala, ça m'étonnerait. Moi j'ai mon beau-père qui est né au Gabon et il était fils de diplomate français. Son père lui expliquait déjà que des histoires sur les problèmes de telle ethnie entre telle ethnie et ça là, moi c'est les histoires qui m'ont été racontées quoi déjà en aparté pour dire quoi donc c'est pas d'aujourd'hui quoi ils nous ont pas attendu pour c'est humain je veux dire c'est pas une question d'arriver d'un autre pour pouvoir commencer à se taper dessus quoi ça date de l'Antiquité et même avant quoi c'est je veux dire voilà c'est comme ça. C'est constituant à l'être humain. On parle de quelque chose qui est constituant à chaque être humain. La violence n'est pas arrivée avec la civilisation occidentale sur les terres africaines en général. Quoi. Donc, dans l'intérêt de la France et des Dom-Tom, vaut mieux que ça reste français, c'est ça? Moi, je pense. Hein. Ah, mon dans, sens, dans moi aussi. Dans le leur. On pourrait faire un sondage, tiens, sur ce serveur-là. Qui c'est qui serait fondamentalement, justement, pour se séparer des Dom-Tom? Voilà. Qui pense vraiment, voilà, il faut les dégager. Enfin, ou les rendre leur indépendance. Faut plus que ce soit français. Faut plus que la France gère. Il y en a qui pensent fondamentalement ça, quand même. Oui. Bon, Zarian, toi un peu, j'imagine. Oui et non. Oui, mais dans un sens positif. C'est-à-dire, c'est pas pour les abandonner et les laisser mourir. Non, pas du tout. C'est dans une idée de si, effectivement, il y en a qui en veulent et si une majorité décide qu'ils ont envie d'être indépendants. Et dans le meilleur des mondes, si personne fait la guerre et que personne n'a besoin de personne, bah oui, il n'y a pas de raison. Comme je dis, il y a la France, c'est l'Hexagone, et après, il y a ces territoires, c'est à la France. Et si ces territoires décident d'être indépendants parce qu'ils ont envie d'être indépendants, bah ok. Mais c'est pas une question de les abandonner ou des trucs comme ça. Non, non, du tout. C'est un peu comme un enfant, voilà. À un moment donné, l'enfant, il se barre de chez lui, enfin, il se barre de chez ses parents, et puis, bon, bah, fais ta vie, quoi. Ouais, mais là, ce serait dans le cadre où la majorité réclame l'indépendance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, s'ils veulent l'indépendance, je ne suis pas contre, mais c'est vrai que, dans le fond, oui, c'est vrai que je préférerais qu'ils restent français. Après, faudrait régler le problème de l'économie. Parce que, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, je l'ai toujours entendu, hein, depuis que je suis ado, ça coûte très cher, je l'ai toujours entendu. Mais bon, c'est vrai que ça a confirmé, comme disait Topa. Mais, enfin voilà, quoi. Vas-y Mathieu, tu veux dire quelque chose? Ça vient juste d'une volonté comptable. Hein. Je veux dire, quand un pays décide encore une fois de vouloir faire quelque chose, c'est juste une volonté. Après, il y a des variables mathématiques, encore une fois financières à prendre en compte, mais il y a une évolution. C'est comme je vois pas de problème. Enfin, à proprement dit, je pense que quand on a voulu faire des choses, on les a faites. Quand on a voulu les laisser tomber aussi. Je pense que c'est une question toujours de volonté. Enfin, si c'est bien géré. À commencer par la question actuelle, voilà. Même pour les Français hexagonaux, on pourrait se poser la question à savoir, si on vous pose la question, à donner une définition de qu'est-ce que c'est d'être français, qu'est-ce que vous diriez? Voilà. Via un micro ouvert. On peut tout simplement se définir en tant que français par rapport aux autres. Quand on pose la question aux autres qui ne sont pas français, ils savent très bien définir ce qu'est un français. Donc, par exemple, les Anglais, ils nous appellent les grenouilles. C'est pas pour rien. Après, dans l'imaginaire collectif de l'humanité, quand on te parle d'un français, il y a une image bien précise, il y a un être humain, il y a un archétype bien précis qui apparaît à ce moment-là. Ouais, il y a comme, je ne sais plus qui disait, il y a quand tu regardes, je sais plus, moi je suis pas footeux, le joueur de football là, tout à l'heure. Thierry Henry, quand il y a une étincelle particulière qui fait que tu dis c'est un français. Et donc on peut poser la question, c'est quoi un Allemand? Alors c'est quoi un Espagnol? Quand je parle d'un Allemand, on a une petite idée, bon, pas forcément positive. On va plutôt dire un Espagnol. Qu'est-ce qu'un Espagnol? Ben, on a tout de suite une idée de qu'est-ce qu'un Espagnol. Un Anglais, pareil. Un Suédois, en principe, pareil. C'est pas mais là, vraiment, si on pense à un Suédois. Xarion, tu t'es pas logique. Parce que quand tu parles de l'Espagnol et t'as pris ces phénotypes particuliers, parce que justement, il y a une reconnaissance physique. Un Français, physiquement, on n'a pas de particularité française. On est aussi simple qu'on peut être blanc, qu'on peut être. Au niveau génétique et physiologique, je suis d'accord avec Jessica. Je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, tu es en train de dire que, voilà, la particularité, je pense, j'essaye d'être synthétique pour te redonner la parole, c'est que la France ne se fonde pas sur aller une exception civilisationnelle dans sa création, en fait. Voilà, et au sein de l'Europe elle-même, là aussi, quoi. Donc c'est, il faut comprendre. Notamment parce qu'on est les seuls à avoir donné le même statut justement à nos DOM que à des départements français, et qu'on est le seul pays au monde à l'avoir fait ça. Il n'y a pas d'autres pays qui a donné la même législation et exactement les mêmes droits à leur colonie et à ce qu'ils ont créé. Alors, tu vois. Pour revenir sur l'identité française, donc effectivement, ce sont des blancs. Donc, qui étaient en Europe de l'Ouest, qui se sont regroupés sur le territoire français. Il y a quand même, quand on pense à un Français, il y a quand même une forte image qui arrive. Il y en a qui ressemblent effectivement à des Espagnols, mais tous se sont battus pour ne pas justement être ni Espagnol, ni Italien, ni Allemand, ni Anglais. On s'est tous battus pour ça depuis tout le temps. C'est pas rien, donc si on veut... Bah, c'est un peu ambigu aussi. Oui, c'est que la culture créole est reconnue dans le monde entier pour être française, justement. Et donc, c'est ce que je te dis, ça n'a rien à voir avec une vision du français, mais avec aussi le fait que ceux qui se sont greffés a posteriori et qui sont morts pour la France et qui ont été intégrés comme faisant partie de la France, c'est pas par rapport à leur couleur de peau, mais par rapport à leur envie, enfin, tu vois, à leur service donné à la France, quoi. Alors, volonté à ne pas être allemand. Je le redis, la France, c'est le pays des libres, terminé. On est libre, terminé. Bah, techniquement parlant, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le pays de la liberté, c'est les États-Unis, où là, t'es libre. Ben oui, non mais oui, parce que là, l'État, il est pas. Enfin, déjà, tu vois, quand t'es propriétaire aux États-Unis, t'as pas de taxe à payer à l'État, déjà, pour commencer. Et l'État peut pas t'exproprier comme ça de chez toi. En France, c'est pas le cas. T'as pas tort, c'est vrai. Là, je suis un peu d'accord avec cette définition. On n'est pas complètement libre. Et on a beaucoup de moyens de. Voilà, comme les. Par exemple, ils ont les armes. Au moins, quand t'as quelqu'un. Enfin, quand t'as un Américain armé, si tu veux, le député, il fait gaffe quand il parle. Tu vois, alors qu'un Français qui avec une pancarte, ça fait pas le même effet. Ça reviendra. T'inquiète pas, ça reviendra. Ça reviendra. Ce que j'ai dit, la France, c'est le point géographique entre les Latins, les Méditerranéens, les Sémites, les Germaniques, les Scandinaves, qui fait que c'est le plus beau pays du monde, dans le sens où pendant des milliers d'années, on a réussi à réunir les Savoyards, les Cèves, enfin bon, Vous avez compris ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on subit une invasion, même si les gens qui viennent là, ils y sont pour rien, on est d'accord. En fait, je vais même pas nommer la communauté qu'on connaît. On est des gentils, tout simplement. Terminé. J'ai du mal à voir où tu veux en venir, en fait. Ouais, moi aussi, ouais, j'ai pas compris. Quel pays ? Moi, j'ai un peu de mal aussi, un peu. Je vois le pays de la liberté, France, ça veut dire libre, mais c'est une liberté qui s'instaure déjà aussi avec un visage. C'est-à-dire que quand les mecs, on dit on est le peuple libre, mais on est libre à notre façon, dans notre façon de voir les choses, dans notre voilà. C'est pas la liberté, fais ce que tu veux, c'est free, c'est open bar. C'est pas ça. Ben, c'est l'impression que j'en ai, personnellement. Ok. Quelqu'un veut enchaîner parce que ça va bientôt terminer parce que j'ai plus de bande. Enfin, il n'y a plus de place sur le disque dur. Alors, pour ouais. conclure. Alors, bah, vas-y, mon cher Xarion. Je vais limite refaire encore la même conclusion qu'une autre fois. Si on en revient finalement à l'identité, non c'est ça. Alors, finalement, on en revient à l'identité. Qu'est-ce qu'être français ? Putain, qu'est-ce qu'être français ? Bah, c'est manger français, c'est ressembler à un français dans l'imaginaire collectif de l'humanité, par exemple. C'est accepter de se faire appeler une grenouille par les Anglais. C'est, entre autres, quoi. C'est être un vecteur déjà de la culture française. C'est manger du pot-au-feu, du cassoulet, c'est ça être français. Les départements français, et qu'est-ce qui ferait que, par exemple, notamment le colombo pourrait pas être un plat régional français des Antilles? Pour moi, c'en est un. Pour moi, c'est un plat régional. Moi aussi, c'est quelque chose que je rattache. Alors d'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas, soit, mais alors demain, en imaginant dans un avenir plus ou moins lointain, par hasard, il se trouve qu'il n'y a plus de blancs. Il n'y a plus que un melting pot de tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça sera encore la France? Est-ce que si le peuple de l'Hexagone vient à disparaître ou à être dissous par le mondialisme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce territoire? Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Si demain, il n'y a plus une majorité de blancs en France, pour moi, c'est plus la France. Bon, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que cette France, justement, entre guillemets, qui reste blanche, elle peut avoir des extensions de territoire avec des populations non blanches, mais qui sont intégrées à la France, qui sont français aussi, quoi. Donc, oui, ça reste par rapport à l'histoire, tout à fait, oui. C'est pas des Français de souche génétique. Finalement, le démographique, c'est complètement faisable. Juste, finalement, c'est qu'on en revient encore, finalement, à qu'est-ce que l'identité française. Alors que pour les autres, quand on pense par exemple qu'est-ce que l'identité congolaise, ou qu'est-ce que l'identité japonaise, ou qu'est-ce que l'idée anglaise, ouais, non, bon, ça c'est un peu complexe. Mais, ou un américain, et pourtant, voilà, alors eux, justement, qu'est-ce qu'un américain? Mais c'est ce qui fait le raffinement de notre société, Xariandre. C'est justement, tu parles de melting pot et compagnie, on l'a vu dès le début, la France, tu le dis toi-même, elle est au carrefour du brassage de toutes les civilisations de l'ouest de l'Europe. Donc c'est déjà un brassage, et la seule chose qui a fait qu'on est français, c'est parce que on a la culture française, et que toute personne qui vient sur le sol français, quels que soient ses us et coutumes à la base, et quelle que soit même sa couleur ou son origine, eh ben il est français, il se veut français, et il va porter la culture française dans le monde. Ouais, c'est un regroupement effectivement donc de tous les peuples qu'il y avait en Europe de l'Ouest. Enfin, il y avait quand même un peuple. Excuse-moi, mais quand je me promène, si je me laisse un peu laisser pousser la moustache ou la barbe et les cheveux, et que genre je me lave pas et que je ressemble à un gros crado, les Grecs et les Latins, ils n'avaient pas la même tronche que les Celtes et les Vikings. Ça n'a rien. Voilà. Alors comment ça se fait que moi aujourd'hui j'arrive? C'est pas une insulte, hein, mais on va me dire que moi j'ai une gueule de Gaulois. Mais attends, t'as des Méditerranéens qui ont plus des gueules d'Algériens aujourd'hui que de Français, clairement. Enfin, dans le sud de la France, ils ont pas des gueules de Gaulois, hein, clairement. Tu passes tout le pays d'Oil, c'est pas du tout tu vois, le pays d'Oc, pardon, c'est pas du tout gaulois. Hein, Je vis dedans. Bah, écoute, justement, alors moi en plus, je vis dans une ville où il y a beaucoup d'Espagnols. Donc, tu vois, bah, y a quand même. Bah, ma gueule, elle est pas non plus. Alors, effectivement, le extrémiste et tout, il va dire que je suis allemand. Sauf que non, je suis d'ici. Hein, et. Mais il y a quand même des mecs qui ont ma gueule, tu vois. Et après, ceux qui ont des têtes d'Espagnols... Mais généralement, les mecs qui ont ma gueule, c'est des mecs qui, justement, sont descendus. Hein. C'est pas des mecs de là, qui sont nés là et qui sont originaires de là. Non, justement, non, moi, je... C'est l'Espagne et tout ça qui a fait... Non, moi, j'ai un corps... Enfin, j'ai un physique d'un mec des Pyrénées. Hein. C'est à 75%, ça ressemble à ça, un mec qui vient des Pyrénées. Hein. Les Espagnols, ils sont de l'autre côté. Eh bien, c'est ça. Non, je disais, c'est ça la force de la France, c'est qu'il y a plein de personnes d'origine différente. Et ben, vous incarnez les valeurs et l'héritage de la France, quoi, de ce beau pays. La France apporte un universalisme avec elle, c'est ça, c'est extraordinaire finalement. Parce que moi, ce que je trouve extraordinaire dans le fond de ce débat, c'est de se dire finalement que l'assimilation a bien quand même fonctionné avec ces populations. Et fonctionner dans les deux sens, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est pas commun. C'est que je pense que la France, c'est avant tout une construction politique et une volonté. Donc, dans le cas des Dom-Tom, la France a voulu qu'ils soient français. Je pense pas qu'aujourd'hui, la majorité des Français soient pour que les immigrés actuels deviennent des Français. C'est là où c'est j'ai tout à fait, tout la à fait. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Bon, après, c'est là, apparemment. C'est pas la même problématique après, hein, parce que les immigrés là, c'est des mauvais comportements, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Effectivement, c'est une création française. Donc les Français, il y a une volonté finalement qu'ils soient français, alors que l'immigration aujourd'hui, ce qui est incomparable, c'est que c'est subi et les gens n'ont pas envie. Ça n'a rien à voir. Et c'est oui, mais cette volonté. Tu vois, ce non-désir d'assimilation, il est dans les deux sens. À la fois des immigrés qui viennent, qui veulent pas s'assimiler, mais des Français qui veulent pas les assimiler non plus, parce qu'ils n'en veulent pas sur le territoire. De toute façon, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une volonté bilatérale. Hein. Si ça vient pas des deux, une volonté, un but commun, à partir de là, on se rend bien compte que ça fonctionne absolument pas. Et on voit que les Dom-Tom, justement, ça a fonctionné parce que cette volonté, elle est dans les deux sens. Les Français ont envie de les assimiler, eux ont envie d'être assimilés à la France, on va dire, alors que sur les nouveaux arrivants, ça ne fonctionne pas du tout, dans les deux sens. C'est pas compliqué, parce que le débat sur l'identité nationale, tout ça, c'est un débat complètement faussé, parce qu'on met de la politique, de l'idéologie là-dedans. À partir du moment où quelqu'un revendique le fait d'être français, il n'y a pas besoin de... Enfin, quand on s'en fait une fierté, qu'on s'énorgueillit, qu'on le revendique, si tu veux, normalement, ça suffit à exprimer ça, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, Patrick, mais en sachant qu'il ne faut pas que tous les Dom-Tom immigrent vers la France. Parce que là, on va être dans le même cas de figure que... Mais ça ne s'est jamais produit, ça. Ça ne s'est jamais produit. C'est dans le cas de figure, je parle. Hein. Si un jour, ça arrive, ah ben là, ça va plus se... Et puis, ça va plus être, même pas, je pense. Eux, ils sont bien comme ils sont, en fait. Ils n'ont pas envie. Regarde ce qu'il nous disait Yamikio tout à l'heure. Ils n'ont pas vraiment envie d'émigrer. Mais maintenant, les problèmes auxquels ils sont confrontés, soit voilà, quand tu dois aller faire des études, etc., ils sont obligés de venir en métropole. Mais là, le pire, c'est qu'en les laissant tomber comme on est en train de le faire, par contre, on crée des trous dans la France, un peu comme une toile, tu vois, et on a des espèces de verrues, quoi, maintenant, alors que c'est ouais. Tu vois, on ne doit pas laisser ces situations-là empirer, quoi, comme en Guyane, à Mayotte, etc. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Le territoire qu'on a un peu délaissé, quoi. Ouais, il faudrait pas envoyer un message à nos frères des Dom-Tom en leur disant restez de notre côté, croyez-y, on va y arriver, quoi. C'est pas nos frères, hein, c'est nos compatriotes, c'est pas la même chose. Ouais, mon compatriote. Mon compatriote, voilà, faut pas lâcher. On va y arriver, mais ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais voilà, il y a de l'espoir. Ouais. Je pense que c'est déjà le cas, hein. Parce que comme je sais plus qui c'est qui avait dit au début, le seul parti qui parle encore de la situation des Dom-Tom, c'est le Front National. Et au niveau, entre guillemets, de la dissidence, j'aime pas trop dire ça, mais quelqu'un comme Dario dit souvent que pour lui, les Antillais, ceux des Dom-Tom, c'est ses compatriotes. Donc je pense que du côté des patriotes, des nationaux, c'est quand même acquis. Voilà, moi, après, il y aura Conversano, il y aura d'autres, mais il y en a quand même de ce côté. Ah bah, il sera invité lundi, je lui poserai la question. Je manquerai pas. Je pense que Conversano aussi, enfin moi je suis à la fois d'accord, mais je pense qu'il est dans une analyse un petit peu rigoureuse en fait, des impératifs liés à ce qui pour lui est une extinction de l'espèce blanche. Voilà, mais ça peut être vrai, je veux dire clairement. Il a dit un truc très juste, enfin je pense, je suis désolé mesdames, que ce soit les couples hétéro, enfin ce que vous voulez, au moins et tout. Comme Boris, il a dit la même chose que Boris Le Lay. Pas de femmes en politique. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il ne faut pas de femmes en politique. Terminé. Bah, c'est un autre sujet, ça. C'est limite hors sujet. Non, mais ouais, ouais, c'est du hors piste. Et en plus, ça sera bien. Elles se défendront, on en reparlera justement des femmes en politique, tiens, ce serait l'occasion de faire un débat là-dessus. Tu vois. Mais pour rester sur et finir sur les dom-toms, quelqu'un veut ajouter quelque chose avant que je fasse la conclusion ou c'est pas moi qui ai une question, mais ça, vous êtes un agent de dom-tom, la Belgique, sans un sens. Ouais, si tu veux. En plus, on est aussi séparés en deux comme la Guyane, tu vois. On a foutu les Flamands de l'autre côté. Ah ouais, c'est les indigènes des Flamands. Non, c'était une question de Greg. Il peut pas parler parce qu'il a pas son micro ou je sais pas, qui demandait si quelqu'un pouvait dire deux mots sur l'affaire de la grotte d'Ouvéa. Alors, le mieux, c'est d'avoir School sur l'affaire, mais bon, moi, je peux en toucher un petit mot, s'il veut. La grotte d'Ouvéa, c'est dans les années 80. Il y a eu une prise d'otage donc sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, par des indépendantistes. Et c'était une prise d'otage de gendarmes. Donc, c'est politique. Hein, quoi. Là, c'est pas une prise d'otage, on va dire, dans un supermarché. C'est un peu plus compliqué, parce que c'était des gendarmes. Et donc, il y a eu des négociations, etc. Et apparemment, la France est intervenue et a littéralement, à voir après, justement, les différentes versions, mais aurait assassiné délibérément les indépendantistes par vengeance, quoi, alors qu'elle aurait pu garder tout le monde en vie, en fait. Bon, voilà, donc triste histoire, triste. Mais bon. Ça, c'est, on en reparlera quand on fera une émission spéciale Nouvelle-Calédonie pour parler du référendum. C'est prévu. Avec des Kanaks, j'espère, qui seront là pour parler de la culture Kanak. Ouais, les Kanaks, c'est la vie. Oui. Oui. Connaissez la question. Hein. Vous pensez quoi des Kanaks rendus célèbres maintenant, hein. Ceux qui ont compris. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas capté. On a compris. Vous avez compris. Bon, c'est moi. Bon, alors, plus personne, là. Comme ça, je fais ma conclusion. Il reste plus beaucoup de temps. Non, plus personne pour ta conclusion. Allez, je fais ma conclusion. Déjà, merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce débat sur les dom-toms. Merci parce que, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des opinions différentes. Alors, pour ma part, ce qu'il en ressort, c'est que, je pense qu'on a compris qu'il y a quand même un intérêt à les garder, ces dom-toms, géostratégiques, que ces populations, la politique d'assimilation, elle a quand même fonctionné. C'est pas des populations, on va dire, qui se sont séparées de la France, vraiment, au contraire, dans les deux sens, donc ce qui a été plutôt une réussite. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des problèmes extraordinaire, surtout le cas de Mayotte et de la Guyane, parce que une immigration très pressante de tous les alentours et qui crée un chaos véritable sur les territoires. Nous, la France, on sait qu'on est de moins en moins présents dans ces régions-là. Est-ce une volonté politique? C'est un tout déterminé. De toute façon, le pays, il est en train de s'effondrer à tous les niveaux. Et pourtant, les dom-toms nous confèrent un statut international, une place de grande puissance. Et c'est tout notre intérêt de pouvoir les garder. Donc, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Mathieu, et ben, je vais dire la même chose au dom-tom. Tiens, Béred, gardez foi en la France aussi. Et on va faire en sorte, nous aussi, de libérer le pays. Et vous aussi, la France libre, faut pas oublier que pendant la guerre, le siège était à le premier à N'Djamena, enfin Fort Lamy de son ancien nom. Peut-être demain, on sera à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, c'est-à-dire le nom Fort de France, pour pouvoir défendre la France, quoi. En tout cas, bah, merci à tous. Et puis, dommage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une émission avec Daniel Conversano, lundi, je crois. Voilà. Et ben, merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci.